Magic. Blue Cop. Bonjour, bonsoir, bienvenue avec ce son supersonique, un micro qui nous est offert par notre sponsor Blueco. Blueco Technologie. Blueco Technologie. Merci Bédad. Merci Bédad, merci Marc Keller, merci Le Racing. Exactement. On finit l'année, c'est du champagne. C'est du champagne, bien sûr. Ah ben non, on se refuse plus rien. On se refuse plus rien, mais on se présente quand même. Le plus gros salaire de Radio Shtoub, JP Darki. Blourg à la commu, Blourg la MIFA, Blourg la team. Voilà, merci Jean-Pierre. Il sera payé sur plus de 60 millions sur 10 ans, mais tout l'argent à sa retraite, c'est Roulian. La retraite, c'est pour demain, presque. Hein. Bah avec tout ce que tu vas te faire comme pognon, évidemment. Mais grâce à mon fonds de retraite que j'ai confié ma retraite à Blueco. Blueco. Ils vont me tripler ma retraite, c'est l'objectif. Donc je suis tellement content de faire partie de cette grande aventure Blueco et cette grande aventure Radio Shtoub. Merci. Merci. Un nouveau venu, mais Jean-Luc. Jean-Luc, bien Blourg. Bienvenue, tu es un fidèle auditeur et tu as gagné avec Blueco le droit de participer à l'émission. Ça me fait très plaisir. Oui, c'est nous. C'est pas le Jean-Luc qu'on croit. C'est le neveu de Bouli, c'est Jean-Luc Bouli. Ah, d'accord. Bouli. Mais il a moins de 23 ans, c'est pour ça. Bouli, c'est le bonhomme de neige. Non, c'est Ted. Todd. Todd Bouli. Ah, tu connais pas les patrons. Non, je. Oui. On débute. Tu passes trop les rachats. Vous l'avez reconnu aussi, il travaille pour une multinationale américaine, il n'a aucun scrupule, c'est Bouknon. Magali, Bédad, non, je sais pas. Bédad et Bali. De toute façon, ils ont pas encore assez d'argent pour s'acheter une île comme mon patron. Donc, exactement. Oh. Hein, va falloir travailler un peu là. Sale pauvre. Voilà. Bonjour quand même. Hein. Et notre caution morale, notre intraitable, notre incorruptible, l'Eliotness de Erstein, ou de Benfell plutôt. Pas vraiment, non. Mais voilà, à tort. You wanna live a life, you gotta be aware. Droit dans tes bottes. Tout à fait. Alors, j'en profite juste, rapide parenthèse, je veux saluer un shtoubiste qui est excellent en ce moment, c'est Mathéo. Voilà. Bravo Mathéo, merci. Bravo Mathéo. Voilà. Et il y a des choses qu'on ne salue pas, comme Kittel, qui a oublié qu'il devait travailler, alors que s'il était chez Blueco demain, ça serait vrai. Il était retenu pour une mission scouting en Amérique du Sud. Non. Non. Tu oublies quelqu'un. Ah, oui. Tu oublies quelqu'un. Bien sûr, il est là, il est avec nous, vous l'avez entendu. Sa voix chaude et cuivrée. C'est notre guide, c'est notre lumière. Notre technicien. C'est notre technicien doté désormais d'un micro de toute puissance. De haute fidélité. Notre grand timonier, bien sûr, MC Gigas. Que d'argent. C'est terrible, tu veux une. Non, j'ai pris une petite flûte, bah ouais. On va fêter les bons résultats, mais avant ça, le devoir de mémoire. On n'a pas toujours gagné les matchs avec Blouko et Patrick Vieira. Rappelez-vous, retour vers le futur, Reims. Début décembre. Début décembre. Putain, j'y étais pas. J'y étais. Oh, j'y étais. Un match à chier, je crois. Un match à chier, j'ai attrapé la gastro-entérite comme à peu près la moitié du bus des Ultras. Ouais, j'ai eu un souvenir, j'ai eu un week-end très difficile après le vendredi. Donc effectivement, c'était un bon week-end à chier, Reims. Il faisait froid, on s'est fait chier. Alors spoiler, on a perdu. Ouais, 2-1. Le score de ce mois de décembre. Et il y avait vachement de monde au stade. Le stade était plein. Non, je déconne. Non, mais il y avait personne. Au Reims, il n'y avait personne. Mais vraiment, il y avait personne. Il faisait froid. Les mecs de Reims, ils fêtaient, je sais pas, un jour d'anniversaire. Enfin, ils ont fait un tifo. Mais c'était waouh. On a l'impression que c'était fait, tu vois, par un IME local. C'était vraiment dégueulasse. Et sur le terrain, c'était tout aussi pourri. Ça avait bien démarré. Notre super avant-centre s'était procuré une occasion dinguissime qu'il a envoyé dans les tribunes. On en parlera après, je pense. Ah bah là, on est en détail. Ah bah là, c'était fabuleux. Je crois qu'on a la théorie sur l'avant-centre. Et après, c'était fini. Après, on s'est fait. On prend deux buts. Avec un beau CS7 Perrin. Mais attends, on a marqué un but. Oui, à la fin, Gamero. Un volontaire. Il revient. Oui. Il revient comme Silla qui l'a laissé passer dans son dos. On parlera de Silla aussi tout à l'heure. Mais on peut parler de tout, hein. C'est l'opulence, c'est Noël, hein. Tu peux prendre foie gras, après tu prends la bûche, tu reviens sur le saumon. Ah, non, mais on peut parler des mégas, parce que y a-t-il un problème à méga? Bah, on commence direct. Ça peut être le fil rouge de tous les matchs qui viennent. Parce que finalement, alors, c'était pas forcément sur ce match-là que c'était vraiment flagrant. Encore que l'occasion dont tu parlais, c'est vraiment un déficit technique. Enfin, il a du mal à contrôler le ballon, quoi. Il a surtout, il se crée l'occasion tout seul. Il prend, il contrôle, il fait avec son corps, il protège la balle, il fait un genre de spinorama pour contourner le mec et il est tout seul. Et le mec, il fait un genre d'exter, il fait une frappe exter qui s'impose. Mais il tire du gauche en plus, non? Non, il tire du droit, exter du droit, alors que ça n'a aucun sens. Oui. Ça n'a aucun sens de faire ça à ce moment-là. Ça n'a strictement aucun sens. Et toute l'occasion, la protection de balle, même le demi-tour qu'il fait et tout, mais ça a du sens. Ça va à peu près. Non, mais ça a même carrément il a éliminé le défenseur central, il l'a mystifié. Parce que c'est. Et après, la bulle au cerveau, tu vois. La bulle qui monte et. Richard était déjà en train de célébrer. Je fais déjà. Vous pensez à sa célébration peut-être déjà. Il était en train de se boucher. Je fais déjà un coup d'avance, mais on reviendra à Reims. Mais il y avait l'occasion à Lorient aussi qui est assez. Je crois que c'est Lorient où il est lancé en profondeur. Il est seul face au gardien. Il rate vraiment sa dernière touche. Il la pousse trop loin. Oui. Ouais. C'est Lorient et Lille. Et Lille aussi, mais en fait. Mais tu vois que techniquement c'est pas terrible. Il y a un vrai déficit technique. Alors je veux bien qu'il ait d'autres qualités, effectivement il en a. Il est cher. Mais pas le jeu de tête. Ouais. Bah, il est cher. Pas le jeu de tête. Après physiquement il est rapide. Enfin athlétiquement il est bon. Pour un grand il est très rapide. Mais après il est pas très bon. Il y a bien un truc qui fonctionne cette année. C'est globalement la capacité athlétique de nos joueurs à tenir les matchs, à répéter les sprints. Et Béga il refait des sprints pendant un bon 80 minutes sans aucun problème. Mais alors, dans le vent, certes. C'est pour ça qu'on a un Racing Time qui commence à la 70. Est-ce que c'est coup de bol comme il y a la saison avec Stéphane ou bien c'est le nouveau staff C'est une autre hypothèse aussi. C'est que la caractéristique. C'est tout le plus jeune. La caractéristique des joueurs qu'on a recrutés, c'est que c'est des athlètes à la base. Enfin, tu vois vraiment leur qualité principale, c'est la qualité physique. C'est pas forcément la qualité technique. Et je sais plus qui avait mis un post sur le Stub assez intéressant qui disait qu'en fait on a des produits standardisés qu'on va les développer techniquement, on a un staff assez élargi pour développer techniquement, et qu'on on peut les revendre assez facilement, soit en Angleterre, soit en Allemagne. Enfin, des championnats où la valeur technique, valeur physique est plus importante. Okay. Et j'ai l'impression qu'un Mwanga, c'est pareil. Un Bakwa, c'est pareil. Enfin voilà, c'est les joueurs qui sont avant tout des beaux athlètes. C'est pas un peu tard pour se développer techniquement à un stage? Bah, moi j'ai des doutes. Mais c'est la politique, ça veut dire que c'est une bonne politique. Ouais. Mais à Emega, je vois des lacunes assez criantes. Bah, c'est un 2003, il est encore jeune. Mais... C'est 2003, c'est ceux qui se faisaient tabasser dans le cours de récré, là? Ouais. Non, mais, ils sont rentrés au collège à 8 ans. 2003, c'est des joueurs, bon, ils sont, c'est plus l'âge de jouer avec notre réserve, c'est la génération d'avant, mais c'est des joueurs qui sont pas finis. Et lui, ça se voit qu'il est fini. Ouais, ils sont finis. On va mettre une petite note pour expliquer ce que c'est de ne pas être fini. Oui, oui, voilà, parce que visiblement, on s'est pas compris. Mais c'est sûr, on a très bien compris. Ça fait vachement un sud de collège, mais non, c'est. Ouais, c'est bon, tu l'es pas fini. Non mais techniquement il y a des lacunes en tout cas voilà. Il a d'autres qualités mais il a des lacunes. Ce match-là, c'est la seule occasion qu'on a en début de match. Il la met évidemment. Patrick dans sa conférence de presse après, il nous sort de oui mais si on met cette occasion, le match n'est pas le même. Oui bien sûr, le match n'est pas le même. Mais malgré tout, on est quand même. On est bien en dessous de l'équipe de Reims de style qui sans forcer nous met deux buts. Après, ok, il concède un penalty complètement con dans quasiment la fin du match. 88e, hein, ouais, dans ses voilà. Ça permet à Gamero de mettre son 98e but dans l'élite. Ok, mais globalement, on méritait pas mieux que ça. Alors, ce match-là, on méritait rien. Pourtant, il y a une particularité à ce match, une différence par rapport aux autres matchs. On c'est a qu'à jouer avec un short bleu. Alors, peut-être, mais on fait 50-50 en possession. Alors, c'est la première fois de la saison. Ouais. La seule jusque-là. Exactement. Et au niveau des tirs, 2 à 3. Nous, on en a 2, ils en ont 3. Cadré. Oui. En comptant le pénalty. En comptant le pénalty, oui, d'accord. Mais bon, il aurait pu tirer à côté. Il l'a déjà fait. Comme les gars. Donc, de ce côté-là, un peu équilibré. Ouais, mais Reims n'a pas eu à forcer, effectivement. Et Reims, tu vois que c'est... Ils sont mieux classés que nous, et tu comprends pourquoi. C'est collectivement, c'est plus solide. Ouais, il n'y a rien de d'hyper flamboyant, ouais. Mais c'est cohérent. Ouais. C'est cohérent. Est-ce que c'est cohérent? On savait, on va jouer Reims à l'extérieur, c'était quoi, un vendredi soir et tout. Tu sais que l'équipe, elle joue au foot, et la nôtre, elle cherchait son foot. Notre ami Patoche, il cherche à chaque fois ses compos, il cherche encore. Bon, bah, tu as le match que tu attendais d'avoir, c'est-à-dire une défaite, et en étant pas complètement largué, parce que c'est 2-1, mais pas suffisamment pour bousculer l'équipe de Reims, quoi. Mais par contre, alors le bon truc dans ce match-là, c'est quand même que Niamsi se blesse, hein, c'est ça. C'est ce match-là où il se blesse. Et du coup, Patos, il se fait. Ouais, mais il se fait. Alors le bon truc. Il fait changer un peu la compo, il fait. Ouais. Par la parce que Niamsi, c'est quand même. Il s'est blessé un problème au muscle pectoral. Ouais, bah. Je peux moins bien courir, du coup. Bah, évidemment. Et il se le fait tout seul. Ouais, mais je sais pas, comme une merde. De toute façon, comment tu veux te blesser au muscle pectoral avec quelqu'un d'autre? Il faut savoir où est le muscle pectoral. Bah, les premières nuits, c'est compliqué aussi, parce que c'est difficile de dormir quand t'as une. T'avais déjà blessure à ce niveau-là. Non, mais. Bah, tu dors sur le dos et tu fais pas chier. Ah, mais t'arrives à dormir sur le dos, toi? Tu te forces. Bah, j'arrête pas du tout. Mais on t'attache pas les 4 mois. C'est marrant. Alors moi j'apporte toujours la touche technique. Hein, la mission, Alors il faut manger. On n'y arrive pas. Alors, il faut tellement manger. Peut-être un sondage sur le jeton. Est-ce que vous dormez sur le dos? Est-ce que Rose 3 pourrait proposer ce sondage? Oui, je pense. Alors, Rose 3. Il aime bien faire des sondages. Bon, alors, est-ce que vous ne dormez plus depuis que Marc Heller a vendu Bucco, le Racing à Bucco? D'ailleurs, il y a un sondage qui a été posté en réponse à notre annonce de Radio Jetou. Ah oui. Mais ça n'a pas de rapport. Donc, je garde pour la suite. Aucun rapport. Mais faut passer à Brest. C'est Monsieur Foot de Foot qui demande, Filzer, est-ce encore possible? Oui, non, oui, mais à la Carola. Non, faut en parler après Lille. Après Lille, c'est déjà fait quoi? D'accord, alors là, nous, on se déplace. Ouais, ça fait un teaser. On va te teaser, le match de Lille, il a été énorme. C'est une des grosses choses à discuter du match de Lille. Mais tout de suite, on se rend à Brest. Après Reims, nous allons directement à Brest en pleine semaine. Match en retard. J'y étais pas, bien sûr. J'y étais pas non plus. Mais est-ce que je l'ai vu à la télé? Moi, je sais plus. Si, c'était un jeudi soir. C'est un jeudi soir, ouais. Oui, on l'a vu à l'Adamson. Excellent bar. Allez-y. Moi, j'y étais pas. On n'aura aucune commission sur les bières. Le burger est excellent. Un burger. Et les frites aussi. C'est le jour où on a interviewé la hongroise. D'accord. Non, mais Donc Brest. Ah, et Brest. On fait un partout. Nous, on n'a pas de Hongrois. Moi, j'ai pas vu de Hongrois. Maintenant, le dernier, c'est qu'on s'internationalise. Il est mort, non, le dernier qu'on a eu. On a pas eu un Hongrois. Mais Zoltan Chilis, non, il est pas mort. Il est pas mort, lui. Non, non, je suis sur Facebook et tout. D'accord. C'est qui a fait du ski et qui est mort? Drobny. Donc on se rend à Brest, qui est l'équipe en forme du championnat, et ça ne se voit pas du tout comme ils jouent le reste. Ouais, bah après on fait un partout. Je t'avoue, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce match. Je sais que Méga marche. Et c'est qui qui marche à nous? C'est Méga. Par contre, là, on commence à avoir un truc qu'on n'avait pas trop vu, c'est ce qui s'appelle le pressing, oui, il me semble. Ouais. Un truc qui a été intégré par quelques joueurs, dont Méga, ça ne faut pas. Dont Méga. Qui commence à dire, tiens, peut-être que je vais aller un petit peu presser les attaquants. Et parmi ses qualités, il y a le pressing, effectivement. Bah, encore des qualités athlétiques. Et donc, le but, je ne sais plus. On encaisse un premier but, et ensuite, on revient au score, et après, ça s'égalise un peu. Il y a Moïse Saï là qui c'était un beau but, il centre et il n'a plus qu'à la pousser dans le but. But de Le Doigt Rond à la 44e. Oui. Un angle fermé où Cels paraît pas GG quand même. Entre le mur et le papier peint. Passe décisive de Doumbia, pas top. Celui-là il faut retenir celui-là. Doumbia faut retenir. De quadruplé. Ouais, et surtout dans FM23, alors maintenant les gens jouent à 24, il était très très fort et il valait rien du tout. Les gens n'y jouent plus maintenant. Je sais bien, c'est dommage. Ah oui, Emega 80e. Ouais, c'est un beau but. C'était passe de Monga. Et Saï qui envoie une praline. Non, mais la passe dans la profondeur. Oui. Saï qui a une grosse occasion juste après quand on égalise un partout. Ouais. Il envoie une praline que le gardien sort. Enfin, ça aurait pu faire le hold-up un peu dégueulasse. Ouais. Et point stat, parce qu'on parle de hold-up, on a quand même 5 tirs cadrés, ils en ont 3. Oui. Sur ce match. Et on revient par contre à l'étiage normal 60-40. T'as plutôt les XG de... Oui, bien sûr. Et en XG, on les défonce, on a 1-5, ils ont 1-1. Donc, match nul. Ouais. Donc, ouais, il faut mieux arrondir. Il est bon, ce moment. Il est pas mal, hein. Mais c'est dommage, il n'en reste plus. Non, là, c'est fini. Shaki Bauer. Ah oui. QV Prestige. C'est le mec qui faisait 24 heures chrono. C'est ça. C'est Shaki Bauer. Donc voilà. Et donc on est plutôt content, un bon point pris sur ce match en retard, puisqu'on prend rarement sur les matchs à rejouer, on prend rarement des points. Et tu dis toujours on a le petit tapis, c'est pas grave. Ouais. Les derniers, mais on a le match en retard, tu perds. Ouais. Là on prend un point contre Brest. On a dit oui, le meilleur joueur de Brest ne jouait pas. Lesmelou qui était suspendu. Ouais. Ils ont un meilleur. Ouais, enfin le mec il fait une bonne. C'est bon. Non, Lesmelou. On dirait Jonas Martin. C'est un des meilleurs milieux de terrain cette année. Ouais, cette année. C'est un joueur solide. Et s'il était meilleur que ça, il jouerait pas. Mais parce que Eric Roy l'a replacé en 6 aussi. À la Jonas Martin, à l'époque. Eric Roy, une famille en or? Non. Et comment était c'est Patrick Roy qui mais globalement Brest, ouais, et Patrick Roy c'est un dernier c'est intéressant parce que c'est un club qui est géré avec des moyens somme toute moyens justement pas terribles. Et par contre ils recrutent des mecs plus ou moins d'expérience, c'est l'inverse, c'est l'antithèse du Racing de Strasbourg. Modèle simple, c'est on prend des joueurs peut-être pas forcément très cotés, pas forcément connus, mais on fait un vrai travail de scouting, on les prend. Après Brest, c'est une année ça marche, une année ça marche, c'est la catastrophe. Ils ont relancé par exemple un Kenny Lala qui fait une belle saison pour l'instant. Ouais, clairement. Il fait une belle saison, ils ont quelques joueurs intéressants. Et toi, ils ont perdu Honora l'année dernière. Oui, Honora qui a été vendu. Et malgré tout, ça se voit pas, quoi. Donc ça, c'est quand même une capacité dans un club. C'est quand même un peu bankable qui part, et malgré tout, ça se voit pas, quoi. Mais t'as des bons joueurs de Ligue 1, effectivement. T'as un Del Castillo, même un Jérémy Doiron qui sont recrutés en National 2 à Saint-Brieuc, qui maintenant est un bon joueur de Ligue 1, sans prétention. Un bon gardien, parce qu'il faut forcément un bon gardien si tu veux faire une belle saison. Ça, c'est obligé. Et Marco Bizot, pays néerlandais. Ils ont aussi un très bon défenseur central qui se révèle cette saison, c'est Lilian Brassier. Ancien latéral gauche qui est replacé dans l'axe depuis l'an dernier. Donc ouais, un modèle sain. Et dans notre championnat, une équipe de type middle age et un peu âgée solide, ça tient. Après, Brest reste c'est encore la dernière équipe old school un peu. Donc stade old school, au milieu de la ville. Et un peu Montpellier. Montpellier, c'est les deux équipes avec des mecs qui s'accrochent un peu, parce qu'ils ont un président un peu qui a pas d'argent, je crois, qui fait un peu n'importe quoi et qui peut s'énerver aussi des fois, je crois. Bah Brest, au contraire, Brest, c'est un président hyper discret. Il a peine connu, hein, Denis Le Saint, qui est pourtant une grosse boîte. Hein, c'est le leader français de la distribution de légumes. Alors ça paraît rien, mais il y a de l'argent. Ouais, mais ça, j'ai envie de te dire, ça c'est de la vraie valeur. Bah oui, ça c'est le légume, c'est quelque chose de solide oui. que tu peux acheter et manger. Bah il dit que tu peux faire des smoothies, il tire son argent, il tire son argent de quelque chose de concret, une activité concrète. Du chou-fleur breton. Alors que et ils ont Malheur en sponsor. En plus, ouais. Les yaourts. Ils ont des yaourts au pot de tournière. Ils ont des yaourts géants. Voilà, j'ai un spécialiste. Ça c'est la classe. Mais ils sont bons les Malheur en plus. Bien sûr. Mais alors que du cash flow. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a? Du cash flow, c'est du vent. Oui, exactement. Voilà. Alors je dis ça comme ça, par rapport à beaucoup. C'est important. Et parce qu'après, ils ont déjà du vent normal. Oui, c'est pour ça. Et ils ont des éoliennes sur leur futur stade. Je pense que c'est pas bon. Le stade va s'envoler, c'est à la Miyazaki, tu vois. À propos de stade dans les nuages. Nous, c'est abandonné définitivement les fuselages d'avions. Non, c'est intégré. Mais là, le stade. Donc après ce match à Brest, plutôt bonne surprise, ce petit résultat dans la semaine, on enchaîne tout de suite avec la réception du Havre. Et là on se dit, j'écoute les gens quand je vais à la Méno, je mange des saucisses, les gens disent si on bat pas le Havre, on battra plus personne cette année. Mais le Havre qui était largement meilleur que nous en se pointant à la Méno. Ah bah ils étaient devant nous, c'est un promu qui fait une bonne saison aussi. C'est des cons. Quoi qui se passe pendant ce match? Ben on sait pas, c'est très bizarre ce match. Alors, pour une fois, on joue la première mi-temps. On joue pas la première mi-temps. On marque en première mi-temps, le premier but de la saison, première mi-temps. Justement. Le Emega Gate. Oui, c'était le fameux but d'Emega. Ouais. Qui a marqué contre Brest, qui a fait une célébration somme toute normale. Bras d'honneur. Mais classique de footballeur. Par contre, c'est pas sa célébration normale. Les mains sur les oreilles. Mais non, il a fait qu'à demi. Non mais apparemment il fait les trois. Les trois singes. Comme le singe. Les trois singes de Gibraltar. Mais non, c'est le trois singes de WhatsApp là. Ouais. Sur les oreilles, sur les yeux. C'est génial. Alors évidemment. Ça c'est le logo de Megadeth. Ne pas voir, ne pas entendre, ne pas parler. Bah voilà. Et Mega, écoute, Megadeth. Évidemment, tu vas aller et Megadeth. Et Megadeth. Mustaine. Et vous savez que Dave Mustaine est hyper catholique. Qui ça? Dave Mustaine, le guitariste, chanteur, Rookmouth de Megadeth. Il est super chrétien. Il est roux et irlandais, c'est ça? Non, il est complètement américain, mais. Il est blond, comme. Ouais, mais américain de Boston. Boston, Massachusetts. Whatever. Ils ont pas un batteur néerlandais là pour venir né Omega? Non, ça c'est Metallica qui a un batteur danois. Mais ça, oui. Non, mais je crois que Megadeth a un batteur soit belge, soit néerlandais. Ah oui. Bon, c'est la même chose, c'est le même pays. Oui, c'est revenons au 3. C'est un but de Emega, mais il y a un but de Emega qui s'est déroulé comment? Mais c'est Gamero qui tire, Gamero, le ballon revient sur lui, il la remet. Et donc Emega, il doit. C'est ce qu'il a un but à la Emega. Et qu'il la pousse dans le but vide. Oui, mais alors qui passe à Gamero? Qui passe à Gamero? Gabriel. C'est Angelo. L'autre plus tard aussi, parce que. Je pense qu'on passe un sujet. Il fait des passes à Stéphane Leroux. Attends, hein. Ah non, confond, ouais, c'est pas. Confond, ça c'était Marseille. Non, c'est. C'est pas Marseille. Le but de Marseille, ça, non, de Emega. Non, c'est le vide. Mais si, non, mais Emega, il y a plein de buts. Dans... Le but vide, c'est sa spécialité. Si, le but de Emega contre Marseille, c'est quand Gamero. Bah, si maintenant, Gamero lui donne, non? C'est pas. Attends, c'est contre Marseille, ça. Mais oui, je pense. Parce que le but d'Emega est marqué ici. On demande la VAR. Sans assist. Mais oui. C'est bien ce que je pense. Ah, donc c'est... Il n'y a pas d'assiste. Heureusement que je suis là. Hein, et de où il le met? Heureusement que tu vas regarder les matchs. Hein. Sinon, on perdait tout, le micro, le champagne, livré par Blueco. D'ailleurs, est-ce que tu peux ramener le foie gras, s'il te plaît? Bon, en tout cas, Emega Mark. Emega Mark, elle est. Non, mais Emega Mark, ça, c'est une ration. Non, mais il y a 400. En attendant, on n'a pas les droits. En attendant, il y a quand même le débat sur cette célébration. Est-ce que ça vous a choqué ou pas? Non. Bah non, parce que déjà on n'a rien vu. Il était de l'autre côté du stade. Moi déjà, ça m'a pas choqué. Non, il était côté cop. Ah ouais, non, c'était chez nous, c'est vrai. Pour moi, c'est côté. Mais il l'avait déjà fait contre Marseille, la célébration. Il l'avait fait de l'autre côté, mais cette fois, il l'a refaite. Ouais. Mais il a pas fait juste les oreilles. Cette fois, il a fait que les oreilles, exactement. C'est ça. En fait, il fait le singe, voilà. Ouais. Non, mais il fait pas les trois singes. Il fait juste. J'entends pas les critiques parce qu'il y avait des sifflets. Au match précédent, la Méno. Et à Reims. Mais c'était l'arbitre. Les sifflets. Il a été vilipendé. Alors moi, je vais vous dire, ça m'a pas choqué, ça m'a navré juste. C'est-à-dire que je peux comprendre un type qui met 12 buts, qui a un passage à vide de 10 matchs, qui se fait huer, et qui, quand il remet son 13e but, il commence à dire « Eh ben alors, les connards !» Mais vous êtes vraiment des grosses merdes plus loin. Voilà, exactement. Mais là, Emega, il a rien prouvé. Tu commences pas à faire... Genre... Il est à peine bon à ce moment-là. Exactement. Mais même s'il est... Ah, t'en avances sur moi. Même s'il avait été génial. Ah oui, c'est le sang de mon. Ah, non, mais non, c'est un but de merde. C'est deux mains. Il fait pas exprès de la mettre dedans. Bah, c'est de Maguet qui récupère. C'est son but le plus technique. Bakua. C'est centre de Bakua à contrer. Ouais. Ouais. Ouais. Noté, et les gars, ils la mettent pas vraiment. Juste pour dire, je vais revenir, c'est très intéressant ce que je dis. si c'était un mec qui avait mis 12 buts avant, qui avait eu un passage à vide, les gens l'avaient hué, et à son 13e but, 10 matchs plus tard, il fait ah ben j'entends pas les critiques. Fermez vos gueules. Ok. Mais là, un mec a rien prouvé, qui débarque de nulle part, qu'on déteste de base au départ. On le déteste pas. Non, on le déteste pas. Moi, je l'aime bien. Erreur, on le déteste pas, ouais, absolument. Bon. Et il met des buts. Oui, c'est ton boulot, mec. En fait, c'est ce que tu dois faire. Ça le rend détestable, ce genre d'attitude. Exactement. Il y a une dimension que vous avez complètement oubliée. C'est qu'il est néerlandais. La quatrième. C'est que c'est un gamin. Oui, c'est un 2003. Oui. Et 2003, c'est jeune, on est d'accord. J'en connais des presque 2003. Mais voilà. Ben, 2003, par exemple, moi, je suis né en 2006. Là, tu fais pas, t'es 17 ans. Ouais. Ah merde, t'es 17 ans. Ouais. Oh merde. Ah merde. T'avais pas remarqué. Le temps passe vite. C'est un gamin, évidemment, il manque de plomb dans la tête, tu vois. Ah ouais, il manque de plomb. Son agent, ses parents, je sais pas, le mec, il vient, il a déjà fait combien de championnats? Il vient de Hollande, il était déjà en Autriche et tout. En Belgique aussi. Hein. En Belgique. Le mec, il a bourlingué machin, il a 20 ans, il a rien. Je comprends rien. Et donc là, il marque un but, il fait oh genre, je veux leur fermer leur gueule. Oui, c'est ça, c'est cette mentalité. C'est cette mentalité-là, de petit péteux, j'ai joué 10 matchs et j'ai marqué 3 buts en poussant le ballon dans le but. Excusez-moi. Non, je pense que c'est pour ça que tout va à volo dans ce club, c'est qu'on accepte les gens d'attitude. Oui. Ah non, c'est pas ça. Mais exactement, oui. Mais je l'explique. Ah oui, tu l'expliques. Je l'explique, mais tu ne m'excuses pas. Ah, moi, j'ai entendu des gens qui disaient que quand on explique, on comprend. Non, c'était quoi par rapport aux islamistes? J'ai oublié. Non. Il y avait un truc. Non, ceux qui se conçoivent bien, c'est non ce club. Ouais, et là, j'y arrive pas. Ça, c'est boileau. Ouais, ça, j'y arrive pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est vraiment non, je suis sûr c'est de la merde. Non, mais il y a personne dans le club qui peut voir dire... le gamin mais non, après la célébration. Kader Morgan, il sert à quoi? Bah justement, Kader Morgan doit dire ça. Il y a pire comme attitude. C'est acté que par exemple Abakar Sylla a été écarté de l'effectif professionnel pour des retards à l'entraînement. Multiples retards à l'entraînement. Tout à fait. À 20 ans. Et c'est pour ça qu'il a été écarté. Oui. Là, il y revient parce que muscle pectoral extrêmement blessé chez notre ami Niamsi, paix à son âme. voilà. Mais donc du coup, il revient, il fait des matchs, notamment le Havre, on va pouvoir réembrayer là-dessus. Mais il y a quand même des gens en club qui disent l'attitude d'Abakar Sylla n'est pas compatible avec celle d'un footballeur professionnel. Donc il y a quand même un peu une vigie parce qu'on aurait pu dire 20 millions d'euros, plus grosse recrue du club. L'actionnaire pour Audi, le mec il joue, même mort avec une jambe cassée, il joue quoi. Tu vois. Et malgré tout, on dit non, le mec il a pas la bonne attitude, il joue pas. Peut-être que Emeka s'est fait reprendre de voler en interne, moi je sais pas. Parce que Kader Morgan l'a bloqué entre deux casiers. Alors, j'ai deux questions. Alors déjà, est-ce que Abakar Sylla s'est arrangé pour les insiders là, est-ce que vous savez a priori, il y a plus de problème de comportement. Hein. Il a compris un peu que ça se faisait pas à 20 ans ce qu'il faisait et que t'es pas parce que t'as signé pour 20 millions que t'es le roi du pétrole. Quoi. Du coup, c'est tonton Kader qui lui a mis... Bah, c'est son rôle en tout cas. Est-ce qu'il l'a fait? Et donc, attends, est-ce que je peux parler maintenant sur Emeka quand même? Moi, je voudrais la Emeka Theory. Je pense que Emeka ne sait pas jouer au foot en dehors des 6 mètres. C'est un joueur de renard. C'est un renard des 6 mètres. C'est un Rudy Foller. Non, mais le but contre le Havre, il le met dans les 6 mètres, même si c'est excentré, machin. Ouais. Contre le dernier match, c'était qui? Lille? Bah même au Brest, il alors quand Filzer gueule, il marque pas contre Lille. Il marque pas. Il marque aucun but. Spoiler. Contre Toulouse, il met une tête dans les 6 mètres. Il a mis que des buts dans les 6 mètres. Il a pas mis des buts dans les 6 mètres. Bah dès qu'il est en dehors des 6 mètres, il sait pas quoi faire. Il sait pas tirer, il sait pas. Même le but contre Lille, il est en dehors des 6 mètres. Non, mais c'est un but contre son camp. Non, mais j'en parlais de ce but. Et en fait, il sait pas quoi faire. Je sais pas. Donc ça reprend la théorie de techniquement, il est à chier en fait. Ouais. Après, dans les 6 mètres, il est là où il faut. Mais de faire une carrière sans être bon techniquement. Ah ouais, on a vu. Dagui Bakary. Mais Dagui Bakary, il faisait 30 kilos de plus. Dagui Bakary, c'est un bon exemple. Mais il faisait 30 kilos de plus. Et mes gars, il sait pas prendre un ballon. Et après, pourquoi tu crois qu'il est venu en Alsace dans son plan de carrière? C'est pour prendre ses 30 kilos. Déjà, là, il a passé la première épreuve, Noël. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Plus 5. Par rapport à Emeka, parce que dans FM24, qui est ma seule référence technique, tu peux le faire jouer les gauches. Mais il a joué les gauches cette année. Normalement, il peut jouer en dehors de la surface, en théorie. Parce que l'ailier gauche, il reste pas dans la surface. Non. Mais après, il court, et après, il arrive dans les 6 mètres. Ah ouais, il fait pas une dernière centre. C'est pas l'ailier gauche. Mais s'il a encore la balle. Parce qu'il s'est passé, j'ai jamais vu, en fait. Ah, par contre, ça me fait penser que le match de Brest, non, c'était Brest, on s'est dit, ah, putain, maintenant qu'on fait des centres, on marque des buts. Ouais, on faisait aucun centre. Ouais. On a un mec d'un mètre 95 dans la surface, mais aucun centre. Bon, le seul qui avait fait un centre, bon, c'était Bellegarde contre Toulouse. Ouais. Donc, on mène 1-0, la vie est belle. Ouais. La mi-temps se passe. Le Havre égalise. La deuxième mi-temps, elle est dégueulasse. Je pense que j'ai pas vu le but, moi, je crois. Il y a des gens, ouais, qui ont raté le but. Ça, c'est parce que les incompétents, la buvette ne servent pas à ça. 49e. Et qu'on est toujours interdit. Yoann Salmier, ouais, sur la coup franc de Christopher Opéry. Exactement. Oui, parce qu'il y a Perrin qui était en train de refaire ses lacets, je pense. Je ne sais pas. Et c'est là que j'ai appris que Yoann Salmier joue au Havre. Et qu'il avait marqué un but. Je savais déjà. Et que je pouvais pas monter à Et qu'il n'a pas célébré. Voilà, contrairement à Emega. Emega aurait célébré s'il jouait au Havre. Oui, bah, il aurait déjà oublié le club d'avant. Voilà. Et là, on se dit, c'est un peu con. Et c'est mort, et c'est baisé, et c'est comme d'hab, partout, on va se satisfaire d'un point, quoi. Et à la fin, on pousse de manière désordonnée, je crois qu'on... Le déclic, le cop sort la banderole non à la multipropriété. Les joueurs piqués dans leur orgueil. Qu'on n'a pas vu dans les highlights. Oui, qu'on n'a pas vu. Les joueurs piqués dans leur orgueil décident de marquer un but improbable à la 93e. Ah, 97. Et moi, je le sentais venir. Vous avez remarqué aussi qu'il y a, un élément très important techniquement sur cette action. Le tireur de coup de pied arrêté n'est plus le même. C'était pas quoi? T'as vu, c'est pas quoi qui a tiré tous les coups de pied arrêtés relativement mal? C'est Jésus. Et là, c'est Thomas Delaine. Thomas Delaine n'est pas sûr d'ici. Il met un coup franc et il le met, un corner. Et il le met un peu loin du gardien, mais pas trop. Elle tombe dans les 6 mètres. Et surtout, il n'y avait pas de marquage sur. Oui, il est tout seul. Il y a eu une bulle au cerveau des défenseurs, à vrai, mais effectivement. Mais je veux dire, le ballon, déjà, s'il arrive dans la bonne zone, à la bonne hauteur, ça aide. Oui. Ouais. Après, si en plus la défense peut faciliter les choses. Il y a 15 ans. Et si là, il arrive à piquer sa tête et à marquer un but à la 96e. 17e. Le plus tardif du championnat de France cette année. Et l'arbitre siffle direct. Ouais. Ça, j'adore. Avant de Marseille, ça y a la main de Marc Keller. Merci, Mamadou Niang. C'est ça. La tête, Agui qui dévie pour Niang. C'était beau à Marseille. Ouais, 1-0. Mamadou Niang! C'est le magicien. C'est bon. L'avenir sera glorieux. L'avenir sera glorieux, c'était un petit point. Les mecs, ils savaient pas que les Ricains allaient venir. Les mecs, les Ubeda, ils avaient du. Les mecs, ils ont du flair. Un petit point statistique ou pas? Allez, bah oui, bien sûr. XG, 1-6 pour nous, 1-3 pour eux. Facile. Possession, alors on est sur du 45-55. Ouais, c'est à l'arrondi, quoi. Mais on a mis en sort quand même la majorité. 3 tirs cadrés. Ouh! Et eux, combien de tirs cadrés? 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés pour XG. Un but. Ouais. Et donc là, on se dit, cette victoire, c'est elle est pas mal. Elle fait du bien. Elle fait du bien. Au classement. Est-ce que c'est le début d'une belle aventure? Quand on se dit, c'est bien, on a pris 3 points avant Noël. Ouais. On se dit, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance. Ouais, c'est un coup de chance, mais ça peut aussi tomber de notre côté. C'est un vrai coup de chat. Mais franchement, c'était pas sur le match en entier, c'était pas mérité. Le match aurait été mérité. Oui, le match aurait été mérité, je suis d'accord. Mais on va chez la pire équipe du championnat. Toi qui suis le championnat, que s'est-il passé avec Monsieur Lebris pour se faire insulter par... Mais parce qu'il voulait se barrer. Il voulait se barrer à Nice, ouais. Ah, c'est quoi? Voilà à Nice. Ouais, il avait fait acte de candidature lui-même, enfin dans les médias. Mais il va pouvoir y aller vu que l'autre il va aller au Milan AC, non? Farioli. De toute façon, maintenant c'est foutu. Hein. Lebris, sa carrière est finie. Donc là, on parle de Lorient. On va à Lorient. À cause de Mendy, du coup. Notamment. Ah. Du coup, et donc, Lorient, c'est l'entraîneur le plus claqué que j'ai jamais vu. Ah, ça craint. Bon, un mec qui claquait les meubles. Ouais. Il sait de quoi il parle. Donc, Lorient. Lorient. On va à Lorient, on n'est pas non plus super serein. Non. Bah, franchement, Lorient, c'est à chier cette année. C'est la pire équipe. Et nous aussi. Oui, aussi. Voilà. Moi, je connais des mecs... Donc, au niveau de la chier... Lyon aussi, c'est à chier. Ouais, mais c'est quand même... Moi, j'avais des connaissances sur le Internet qui disaient que Lorient, n'ayez aucune crainte, c'est vraiment nul. Et depuis, ils n'ont pas vu Strasbourg jouer. Non, mais ça fait 2 mois qu'ils nous disent. Et à la mi-temps, je me dis... La première mi-temps se passe, et là, je me dis, putain, les mecs, ils savent mieux que nous que, effectivement, Lorient, c'était... Parce que la première mi-temps, j'aurais pu être dans les buts, hein. Le Racing, hein. Putain, il y a cette tête au-dessus de, à la 47e, ils font une tête au-dessus de là. Il y a rien. Oui, il y a rien. Désert de gauche. Et on mène 1-0 à la mi-temps, mais c'est on peut mener 2 ou 3-0 sans problème. Un joli but. De Bakua, ouais. De Bakua, ouais, très bon. Bien construit, première intention, sans réfléchir, bien. Depuis sa vraie fausse blessure, il est bien revenu, je trouve. Ouais, ça, c'est bizarre. Hein. Ah mais il était blessé un mois, hein, c'est ça, il est vite revenu. Bah, on avait, on a dit fin d'année civile pour lui, il revient au bout d'une semaine. Apparemment, ouais. j'ai vu Motiba. Bah pareil, il court. J'ai vu quoi dans le quartier de la ville. Il a croisé un mec avec une moustache et des cheveux longs, Jésus, ça s'appelle je crois. Il a posé. Tu parles du Krishkin. Ah ouais, il a mis la main sur la cheville et puis c'était réglé. Quoi. En tout cas, bah quoi, il est plutôt pas mal en cette fin d'année là. Le but qu'il met contre l'Orient, mais c'est un drone Sissoko, on appelle ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque blessure, le joueur change. C'est code Quantum, mais le mec se blesse, il y a un mec qui était porté dans son corps. C'est comme les entre-deux au basket chez nous. Ça peut être un joueur. La flèche qui change. Un bon joueur. Il a une super occasion en fin de première mi-temps aussi, une belle frappe qui est sortie par le gardien. Qui aurait mérité vraiment mieux. On se dit bon, 1-0. Début de deuxième. On se dit on reprend une triple, je crois, c'est ce qu'on a dit. Ouais, on reprend une triple fermentation et du coup. Gamero tout de suite. Ouais, un but gameresque, on va dire. Bah oui. Le 90. Pousser un ballon dedans. Dans son jardin. Dans son jardin. Il ne célèbre pas, bien sûr. Bah évidemment, c'est pas méga. Évidemment. Et là, à 2-0, voilà, moi j'étais. Là, je suis la confiance avait pris un cran, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas? Et ben vidéo gag, le but vidéo gag avec Patrice qui essaye de faire bien, mais il est trop petit, il fait que 1m85, oui. Il est trop petit. Et il saute à contre-temps et il dévie le ballon pour Dieng, la bande Patrice. Il marque que contre nous. Le mec qui voulait pas venir chez nous, je vous rappelle. Oui. Bah, je comprends. Ouais, écoutez, il est beaucoup mieux alors. Imagine, il marquerait tous les matchs. Non mais écoutez, 15 millions. Si jouait chez nous, il marquerait tous les matchs. Mais ils ont bien fait de l'acheter à 15 millions. Ah oui. Parce que là, ok, certes, il marque un but, mais. Mais il est pas bon. Il l'avait pris contre Mofi, c'est ça? Alors qu'ils auraient pu prendre un méga. Ouais, il a remplacé Mofi. Ouais. Ils ont gagné au champ. Putain, tu m'étonnes. On dirait Dieng et Mandia. Et là, du coup, à 2-1, on a quand même un quart d'heure où ça flotte un peu, non? Ouais, bah je me demande. Alors, Lorient, ils sont pas hyper dangereux non plus, hein. Ouais, on a plus la balle. On a plus la balle, ouais. C'est quoi la possession? Alors, je peux pas vous dire sur ce match. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire. On a moins de 50. Ah, ça me rassure. On a toujours été meilleur quand on a moins. Par contre, je peux vous en donner une énorme, c'est les tirs cadrés. On a 11 tirs cadrés. On a 9 tirs cadrés, ils en ont 1. Ils en ont 1. Plus que tout le reste de la saison, on est tirs cadrés alors qu'on était la fin de l'Europe. Tu fais la somme des matchs d'avant, on avait moins. Ouais. Mais c'est 9, c'était le total de la saison. Exactement. Donc là. Mais pas loin, hein. Mais oui. Ben c'est sûr, mais du coup ouais, finalement après ça se calme un peu et puis le match on termine en gagnant 2-1 chez une équipe comme Clermont qui est vraiment dans le dur. Tu dis bon, Lorient. C'est une comme Clermont, et du coup tu dis ouais, battre les équipes qui sont derrière nous, ça s'ouvre et être battu par les équipes au-dessus, c'est une certaine logique. Et on n'est pas bon, ok, mais Lorient est vraiment pire. Non, Lorient ils sont pas. C'est vrai. Ouais. Encore une fois, c'est la pire équipe. Autant Clermont, ouais. Ils ont pas forcément beaucoup d'individualité, c'est pour ça qu'ils sont derniers. Mais collectivement, c'est beaucoup plus cohérent. Lorient, c'est en déliquescence totale. Mm-hmm. Bah, effectivement, les joueurs ne suivent plus l'entraîneur. Est-ce que c'est la faute de la multipropriété? Tiens, donc c'est aussi un club en multipropriété. Quelqu'un de très bien sur les réseaux sociaux disait que c'était le derby des succursales. Bon, il y en a quelques-uns. Ouais, mais celui-là, c'est pas mal. Et alors j'ai retrouvé. Qui a dit c'est 52. Ça quelqu'un qu'on connaît pas, que vous connaissez pas. On connaît nous, mais. Daniel Riolo. Mais, voilà, mais Bournemouth est mieux classé que Chelsea en première ligue. Possession 52-48. Ça veut dire que contre une équipe en déliquescence, on fait 48 de possession. Ouais, mais c'est notre jeu. C'est le jeu vieillard. Le jeu de transition. Ouais, le fameux jeu de transition. Ouais. Puis on met le score aussi. Bah oui, non mais c'est vrai. On laisse le ballon. Avec déjà un bon Sissoko. Oui, bah, Sissoko est titulaire depuis le. Mais nous, Sissoko, c'est le MVP. Hein, le mec qui est middle age là. Ouais, là il est même. Le mec trop vieux. Il est limite vieux. Hein. Il a 26 ou 27. Bon, 26. Le débris. Lui, c'est le déclic. Hein. Ancien joueur de presse. Il est plus vieux que nous. Arrête. Bah moi 10 ans de plus. Voilà. Et donc bon, on sort. Assez satisfait de cette victoire. Bah, deux victoires de suite, c'est déjà pas arrivé une seule fois de la saison. Ouais. Là, l'effet Patoche, quand même. Là, Patoche, je pense qu'il commande double ration de foie gras pour Noël. De toute façon, il avait commandé double ration. Par contre, là, c'est Lille qui vient à la maison. Et là, un mercredi soir. Et là, c'est pas la même limonade, parce que Lille, ça joue au ballon. Ouais. Un mercredi soir 21h, ce qui est un horaire franchement génial pour le foot en décembre. Mercredi 21h en décembre, c'est franchement, j'aurais pas choisi mieux. Mais heureusement qu'on travaille pas. Heureusement qu'on est tous deux. C'est aussi un derby entre deux fronts d'investissement. Les fronts d'investissement, c'est une belle nouvelle. Le front d'investissement de la Palestine. Lille, c'est quoi leur fond? Melvin Capital. C'est les mecs qui ont remis le pognon quand c'est Lopez le mec est déjà. Ah, les Melvin et les Chipman. Les Melvin, c'est un super groupe. Oui, bah oui, j'adore les Malvins. Mais oui. Il a une belle barbe. Hein. Mais donc, du coup, c'est vrai que là, on fait moins les malins. Là, on se dit, ça va être difficile. Ouais. Lille joue au foot. Dans le premier quart d'heure, ça nous confirme ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Touche pas la balle. Hein. Et puis surtout, c'est agréable de voir une équipe qui joue au ballon, quoi. Parce que mais là, ça joue bien au foot. Mais j'ai envie de te dire que c'est stérile, par contre. Mais c'est une constante de Lille depuis au moins 2 ans. C'est que j'ai envie de vous dire, pardon. Non, mais c'est que ça joue bien. Ils ont un bon entraîneur. Hein. Fonseca, c'est un super coach. Ouais. Par contre, devant, Jonathan David, c'est un buteur un peu en trompe-l'œil. Parce qu'il est pas décisif. C'est pour ça qu'il est encore à Lille. C'est pour ça qu'il est toujours à Lille, tout à fait. Il a mis des Jonathan. Par contre, Osimhen, lui, était parti direct. Osimhen, il a fait une saison, il est parti. Mais Jonathan David, c'est totalement autre chose. Et c'est vrai qu'ils ont souvent beaucoup d'occasions. Ça doit être une des équipes les mieux classées au XG. Mais ils marquent pas, et là, on l'a encore vu. Mais souvent contre Lille, les années précédentes, Lille ne jouait pas. Mais arrivait à nous mettre 2 buts sans vraiment forcer. Et là, ils ont pas réussi et on a un peu relevé, sorti un peu la tête de l'eau et les petits joueurs se sont dit pourquoi pas. On a déjà gagné 2 matchs, on pourrait essayer d'en gagner un 3e. Et il y a ce premier but des méga, on peut en parler du coup. Enfin de. Pardon Jean-Luc. On parle pas du premier but de Lille alors. Non, on peut pas. Pardon, vas-y. Il y a le but de Lille avec notre ami Silla qui enchaîne un peu. Mais là, il essaie de faire de son mieux. Encore une fois, il saute avec la tête, il n'y arrive pas et il la dévie, il lobe Cels. Il a une meilleure détente que Chilavert. Cels ou Emega? Ou Silla. Silla. Les deux. C'est pas difficile. Bah, mais bon. Non, là, franchement, t'es mené, à 0 avec Zegrova qui avait mis la misère. De toute façon, tout le match, il a mis la misère. Hein, c'est Naya, il est monté en plein. Ouais, deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, je pense que c'était une bonne idée de mettre plutôt Senaya que. Un Delaine contre un droitier. Je me disais un Delaine là-dessus. Ouais, j'aurais eu peur. Hein. Encore physiquement, c'était chaud. Ouais, il est beaucoup plus rapide Senaya que Delaine, évidemment. C'est pas compliqué. Encore, mais j'allais dire de mettre un droitier face à Zegrova, c'est une bonne idée, mais en fait, Delaine est aussi droitier, a priori. On sait pas. Il est droitier. La science, on ne sait pas non plus, c'est comme Dembélé. Hein. Mais surtout barbu. Il est surtout barbu, mais. C'est chaud. Mais ouais, n'empêche que Delaine, là, vous le regardez de haut, sur la toute première partie de saison, c'était le seul joueur qui jouait de l'équipe, mais bon, c'est pas grave. Il est dehors, non. Je trouve que vous êtes. Vous avez la mémoire courte. Du coup, le Racing. On est mené 1-0, mais c'est des choses qui arrivent. Ouais. Et après, on pousse en fin de première période, et il y a le but, le CSC, mais justement. Mais il y a l'action qui est avant le CSC, en fait. C'est l'action de Sissoko, quand même, qui est à noter. Il prend le ballon, il se fait attaquer Petit ballon au-dessus, au lieu de décaler. Et il résiste à Benjamin André. Bien, et du coup, il décale et il envoie le ballon parfait pour la poitrine de Méga. Et qu'est-ce que fait Méga? Il n'est pas coordonné sur l'action. Ouais. Enfin, il y a un problème de gestuelle. Il saute à contre-temps. Il a voulu faire les comme ça en même temps, ça marchait pas. Et les problèmes psychologiques, c'est réglé normalement vers 10-12 ans. Enfin, il y a un vrai problème justement de coordination, de gestuelle. Peut-être la polio, vous êtes et là-dessus, il a la chance que Lenny Yoro finalement la contre. Chez les gymnastes, t'as un guenon là. Moi, j'ai regardé un documentaire qui pourrait expliquer ça, c'est avec Tom Hanks. C'est un enfant qui devient dans le corps d'un adulte. Ah oui. Mais très bien. C'est un documentaire très intéressant. Et Méga, c'est peut-être la même chose. Mais ceci. C'est un enfant, je voudrais être footballeur. Il est transplanté dans le corps d'un 2003, alors qu'en fait, il a 10 ans, donc il maîtrise pas. Alors, moi j'ai des conseils, parce que je pense qu'il faut aider le Racing, c'est notre club, on l'a dans le cœur. Il y a une boîte à idées en sortant du stade. Et ben, je vais la mettre pour Méga, parce que quand on a des problèmes de synchronisation, de coordination. Le yoga? Le Qigong. Ah, le Qigong. Le Qigong. Qui s'écrit pas du tout Qigong, en fait. QI machin. À Ezing, à la Comète, si vous voulez. Il y a des cours de Qigong et c'est très très bon pour l'équipe. C'est réellement, hein. Ouais. Enfin, j'ai pas essayé. Mais c'est très très bon pour la synchronisation, comment on dit, la coordination. Coordination. Voilà. Parce que là, le contrôle, il est dramatique. Il est seulement dans le sofa. Il fait. Alors, je lui demande pas un amorti poitrine et la Davigine, là. C'est pas ce que je demande. Mais un truc, genre le ballon à 1 mètre, pas à 4 mètres. Non, mais il saute à contre-temps. Enfin, il y a vraiment, encore une fois, ce premier. Et heureusement que le défenseur Lillois est sympa et l'homme son propre garde. Tout à fait. Vraiment sympa. Les deux, un défenseur de 18 ans. Oui. Beaucoup plus jeune. Ah, intéressant, ça intéresse. Ouais. Lenny Yoro, mais c'est le défenseur d'Europe qui gagne le plus de duels. Mais c'est un très très bon joueur. Il n'a pas été repéré depuis 25 ans par Loïc Désiré? Bien sûr que si. Il est formé à Lille, hein, donc c'était. Au jardin d'enfants, il a été repéré déjà. Bien, bonjour, je suis Loïc. On en reparlera tout à l'heure de Loïc Désiré. et donc contre son camp. On finit. Ouais, mais mais c'est partout. Mais je vais sauf, non, sauf pour Jean-Luc Filzer. Jean-Luc Filzer. Ah, Jean-Luc Filzer. C'est Jean-Luc Filzer. Alors, celui-là, c'est Noël, c'est Noël. Lui accorder. C'est pas évident parce que de loin, tu pouvais te faire tromper. Non, dans la West. Moi, j'avais un doute, mais parce que c'était devant nous, j'avais un doute, mais je me dis. Et j'ai dit qu'un doute m'habite. Et quoi? Un doute m'habite. Mais je me dis, bon, ok, Jean-Luc, il a bu que 12. Et regarde, voilà, quand t'as une grosse pinte de picon devant tes yeux, au voilà. moment où tu as bu, tu peux te gourer. Oh, oh merde! Mais mes gars! Ouais, c'est ça. Mais ça passe. C'était la fête de Noël à la fin. Ah, okay. voilà les bonnes. Du coup, un partout à la mi-temps. Un partout à la mi-temps, tout à fait. Et on est content. Et c'est quoi la deuxième période? Ouais, parce qu'on voyait une équipe qui jouait. La deuxième période, elle était. Non, on voyait, une équipe qui jouait. Qui avait envie de jouer. On a vu, on s'est bien dit, mais ils ont envie de jouer. Et c'est génial que vous dites ça parce que juste un truc quand même, je vous vois tous, hein. La possession de balle, je tiens quand même à dire, dans un match. Non, mais on n'avait pas la balle. Dans un match où c'est génial, on va dans tous les sens, c'est 32 pour la Racing. Mais c'est ça qu'on a dit. Ouais, 32, c'est le projet. C'est le projet. Magnifique. Non, mais c'est vraiment naturel. Maintenant, on l'a intégré. Ouais, mais moi, je veux plus voir personne critiquer Mourinho. Tu veux voir Sissoko faire de la conduite de balle? Non, tu veux non, non, c'est des parpaings devant. Ouais, genre. Je ne veux pas. Mais donc, ça veut dire quoi? Parce que je l'ai pas vu. J'étais occupé, comme tu le sais, comme vous le savez. Bien sûr. C'est, on bougeait les bras, on courait. Qu'est-ce qu'on faisait, puisqu'on n'avait pas la balle? Mais du pressing, déjà. On l'a, oui, on l'a récupéré. Mais non, parce qu'on n'avait pas la balle. Si, on récupère, mais on balance tout de suite. Ah, d'accord. Mais eux, ils font d'abord des passes derrière entre eux. C'est et après, nous, on la récupère. D'accord. Et on la recouvre. Et on a moins de terrain à rapidement. Parcourir. Ah, nous, c'est un jeu de transition. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, je vais y arriver. Et du coup, on a été bons. Et du, bah, coup, apparemment, non, mais et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les X-Goals. Il y a le deuxième but de Emega. Alors, les XG, j'allais dire, vous avez fait XG. Attends. Ah ouais, XG. Ouais, vas-y. Strasbourg, 0-8. Non. Oh, c'est Lille, 0-5. Oh. Et ça, c'est, moi, je l'ai pas vu le match, mais c'est le match où c'est tu les plus gens, c'est un match, c'est un match. Mais sur les modèles, les XG, les CSC rapportent très très peu. Alors, je suis d'accord avec toi, je vais chercher un autre modèle de XG. Parce que là, je cherche un morceau de fromage, moi. Parce que je suis d'accord avec toi. Les CSC, ça peut être un problème. Il est très bon, ce pain nordique, vendu par Blueco. Mais parce que simplement, les CSC sont assez rares. Donc après, on... Et là, non, je suis d'accord. Mais c'est pas le modèle mathématique du CSC. 0,81, 0,88 sur un autre modèle. On reste quand même dans le même. Ouais, ça dépend des modèles, alors. Ah non, mais en total. Pas sur le but. Non, en total. Parce qu'un penalty, c'est 0,07. Parce qu'il y a des modèles différents qui simplement regardent selon les endroits, les carrés sur le terrain. Oui, non, mais ça. D'où la personne tire et t'as les XG. Mais le CSC, il est modélisé comment? Bah, justement, comme t'as très peu de XG dans le volume de données. Il y a très peu de CSC, donc ils comptent pas. Et les pénalties, on les enlève normalement. Oui, t'as les XG. C'est 0,8. Non, tu fais les XG sans pénalty. Il y a les XG sans pénalty, ouais. 0,80. C'est entre 0,75 et 0,8 sont les. Alors, exactement. Les XG, c'est une chose, mais en deuxième période, on a quand même vu une équipe de Lille qui a quand même qui a rien réussi à faire de vraiment concret, qui a vraiment perdu le fil du match, alors qu'ils ont été, ils avaient quand même la balle au début. Et c'était quand même discuté, même si. Voilà. Et nous, on a eu, on a commencé à avoir les changements en deuxième période, il y a commencé à avoir des changements, donc on a quand même un banc, on a un banc qui il vaut ce qu'il vaut, mais on a un banc et les rentrants, on a notamment Angelo, Gabriel, oui. Et qui, on dit Angelo, on dit Gabriel, on dit Borges. Angelo, Gabriel, Damakeno, Borges. Damacarena. Bon, bien sûr. Mais belle rentrée. Grosse envie. Non, il nous a refait ce qu'il fait à chaque fois, c'est-à-dire repiquer au centre, parce qu'il sait faire que ça. Mais il a fait une passe en profondeur. Mais il fait une passe un peu, genre, il regarde à gauche, il envoie à droite. Elle est belle. Elle est belle parce que, mon gars, il a compris la passe. Non, c'est Emega, pardon. Oui. Non, mais c'est l'appel qui déclenche la passe. Ouais, mais l'appel, il est pas franc. Si tu regardes, il a pas fait le pas. T'as l'impression qu'il fait l'appel après. Et lui, il fait l'appel après. Non, mais il fait comme le mouvement. Enfin, il y a un petit quelque chose, mais franchement. Je pense que c'est de travailler à l'entraînement. Parce que le mec, il a une très belle fille. Il a 2 mètres de retard. Sous la barre. Et du coup, Filzer annonce. Alors, moi, je suis là, et là, je dis, non, le mec, ok, il a des tresses. Ok, il est noir. Non, mais là, ça se voyait de l'autre côté. Mais les chaussures, c'est déjà pas la même couleur. Oui. Déjà, ça n'a pas. Le gabarit n'est pas le même. Bah oui, mais. Et là, en tribune, on est pris d'un fou. Mais il avait un picot d'éclipse. Il voyait rien en travers. Là, c'est trop, quoi. Et le public, et je pense qu'il y a des gens qui sont rentrés à la maison en disant, putain, on a gagné. Les gars, il est trop beau. Les gars, et finalement, c'est quand même un super. Les mecs qui ont dit, on a gagné 3 aussi. Oui. J'avais notamment un des spectateurs, qui est pas très connu du grand public, mais qui s'est dit, putain, mon investissement de 13 millions d'euros, je vais pouvoir, engranger du cash dès cet hiver. D'ailleurs, certains Bédades, eux. C'est ça. Mais ouais. Et après, du coup, 3-1. Ouais. Et là, putain, il y a eu un moment de... Bah quoi, de folie. Non, mais il y a eu un moment où on n'avait pas compris que... Nous, on était en tribune, on a vu qu'à la fin... C'est... Parce qu'en fait... Oui, mais en fait, il y a eu le changement. Et il y a eu la remise en jeu du hors-jeu qui a été faite quasiment à la ligne médiane. Ah ouais, et c'est durant ce temps. Mais pourquoi il fait c'est ce que ça, moi, c'est ce que j'ai pas compris. Pourquoi il fait l'engagement, là? J'ai pas compris. Mais il paraît que c'était, enfin, c'était un peu tiré par les cheveux. Bah en fait, c'est Gabriel, justement, qui est hors-jeu. Enfin, ça se dit pas, mais il revient d'une position de hors-jeu. Enfin, il, Oh, le fameux revenir d'une position de hors-jeu. Qui n'existe pas dans les règles. Ça, ouais. Mais j'ai pas entendu depuis 10 ans, moi. Et c'est mais la joie. Sur Football Manager, j'en ai pas 4. Non. Si, si, c'est lui qui joue le ballon au départ, mais en fait, il revient. D'une position de hors-jeu. Il revient, ça se dit pas dans les règles, mais l'idée, c'est ça, voilà. D'accord. Mais c'est dommage parce que c'était aussi parce un que but, 1m13 et Georges. C'est un but de Bakwa. C'est un but de Bakwa qui encore une fois qui est en forme. Ah oui, qui a marqué le but d'avant de Bakwa aussi. Bakwa en manga. Ah, manga, voilà. Manga, c'est pas les mêmes. Et donc on finit l'année sur une victoire de 1 face à Lille qui est l'équipe en forme et donc ça valide le projet. Mais, alors justement, alors là, parce que moi j'ai malheureusement. Une vraie victoire. Voilà, ça ressemble à une vraie victoire quand vous dites. Ah oui, ça c'était un vrai moment. Mais c'est une ambiance de dingo. Ou pas. Ah oui, il y a une question. C'est, je voulais vous emmener sur la question. Une question de Strotim. Exactement. Strotim. Oui, tout à fait. Non, c'est pas celle-là. Non, si, c'est celle-là. Il y a posé deux. Est-ce que je vous la pose maintenant parce que c'est le moment. L'ambiance contre Lille. 2 points. Et il fait bien, vous avez vu, parce que en anglais, on met pas d'espace entre le mot qui précède les 2 points et les 2 points, et en français, on met un espace. Donc déjà, il le fait bien. C'est pourquoi la règle. Non. Si tu as une ponctuation qui est faite à partir de symboles, tu mets un espace avant après. Donc un double point, un point virgule, c'est un espace avant, un espace après. Pas. Et une virgule, il y a l'espace que après. Oui. Et le point, il y a un espace après. Génial. C'est une règle extrêmement simple. Ah bah, j'en ai. Ah ouais. Merci, Scotty. Merci, Roulian. Aussi. On peut arrêter l'émission là. Oui, là, je pense que là, on fera jamais. Je vous ai dit que j'ai eu 0 en orthographe. Mais en ponctuation, t'es bon. Ouais, pourquoi au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on ne met pas l'espace avant les 2 points, avant les points c'est pour. Il ne faut pas waste l'espace. D'accord, ok. Bon, l'ambiance contre Lille, espace, 2 points, espace. Vert à moitié plein, parenthèse. Mm. L'équipe emmène un peu le stade pour la première fois de la saison, fermez la parenthèse. Ou à moitié vide. Parenthèse, avec un tel scénario juste avant Noël, face à une bête noire, ça aurait dû être le maxi dawa. Alors, pour les millénials, dawa, ça veut dire bon, bazar, bouzouk, zbeul. Bordel, zbeul. En effet, en effet. Espace pour l'interrogation. Il est très très bon dans les espaces. Hein. Sur les. Petite parenthèse sur le côté tribune avant de répondre. L'espace, parenthèse, espace. Parenthèse, espace. On n'a pas parlé du tifo d'abord. Le tifo, mais c'est ma parenthèse, c'est ma parenthèse. Est-ce qu'on peut pas juste parler de l'ambiance et on parle du tifo après? L'ambiance était bien. C'est bien épaté. Prends ça dans ta gueule. Vers moitié plein, vers moitié plein. Mais je suis d'accord avec Strotim. C'est vrai que le scénario aurait pu faire que le stade aurait pu vraiment s'enflammer. Enfin, on a eu des exemples par le passé. Non, moi je suis pas d'accord quand même. Vu d'où on est parti cette saison, on s'est quand même fait chier. Libère, non mais elle est chier cette saison. Là, c'était quand même tout le monde est sorti avec le smile de ce match. Ouais, sauf toi. Et vers moitié plein pour toi alors. Bah oui. Ouais. Ben, vers moitié vide pour Jean-Luc Fils. Pour moi, c'était le meilleur match du Racing cette année et c'était on va dire un match cohérent dans la tactique. Le management de Patoche avec ses changements et tout ça. Bon, l'exécution sur le terrain. Les jeux de cohérent, et tu sens que, ça me fait mal de le dire, mais je veux dire, ce genre de mecs-là, les mecs qui ont été recrutés, manifestement, ils ont du talent. Ils ont été recrutés parce qu'ils ont un talent, mais ils sont. Comme nos régions. Nos régions ont du talent, évidemment. Mais ils ont du talent, mais par contre, c'est des super jeunes et qui sont pas expérimentés. Là, maintenant, on est à quoi, 17 matchs, c'est ça? Oui, complètement. Oui. À un moment donné, à force de les faire jouer, sachant qu'ils comprennent rien, ils ont pas de vis, ils comprennent pas le niveau qui est exigé en Ligue 1, ils avaient du mal. Maintenant, à force de jouer des matchs, à un moment donné, ça va rentrer. Et je reste persuadé que si c'est le projet de Blocco qui est annoncé de dire, on passe sur des cycles de 3 ans, c'est ce qui est plus ou moins annoncé. C'est-à-dire, la première année, on serre très fort les fesses pour se maintenir. La deuxième année, les joueurs, c'est les mêmes joueurs, ils ont acquis de l'expérience. Logiquement, ça doit être un peu meilleur. La troisième année, en toute logique, les mecs, s'ils sont vraiment, comme ils ont du talent, mais ils ont pas l'expérience, et au bout de 3 ans, ils ont l'expérience et le talent, ça doit faire une saison où ça marche très fort, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On revend tout pour repartir sur un cycle de 3 ans. Ça, c'est vraiment la théorie. Ça, c'est la théorie. Oui. C'est ce qui est annoncé. Bon. Et dans la l'ambiance. Là, sur la première année, on est quand même sur une demi-saison où, pendant les 4/5 de la demi-saison, c'était relativement mauvais. Oui. Et là, le dernier 5e de la demi-saison, ça commence, les résultats font que, et même dans le jeu, on a effectivement le match de Le Havre, c'était pas si mal, Lille, c'était pas mal, voilà. Après, je pense qu'il faut pas, il faut raison garder. Ah. Je veux pas dire par là que la deuxième partie de saison sera, on aura encore largement des trous d'air dans la deuxième partie de saison. C'est certain. On va se prendre un gros trou d'air parce que là, c'est autant on a pris la première vague, on a pris la tasse tout de suite, peut-être plus rapidement que ce que valait l'équipe. Là, on a un peu repris la vague. Tu montes sur le surf pour la première fois, tu fais la vague, tu crois que tu vas tout faire, et la deuxième, on va se ramasser, je pense, en commençant, mais on en parlera plus tard, en Coupe de France, par une équipe de merde. Et alors, moi, j'ai une théorie sur Lille avant de parler du Sifo. Oui, de l'ambiance. On n'a pas répondu à l'ambiance. C'est l'ambiance de la merde. Voilà, de la merde. Alors, est-ce que c'est pas le match de la double prime? Qui au match? Ça me fout du wrestling sur la gueule. Egbali. Bedad Egbali, oui. Voilà. Le boss. Begad. Bedad. Bedad. Mais c'est pas le meuf des influenceurs, c'est ça. Magali Egbali. Non mais le patron est là. Pourquoi je connais ça? On joue Lille. C'est juste avant Noël. Il double la prime. Qu'est-ce qu'ils disent les mecs? On va jouer. Magali Berda? Non. Mais y a oui, pas... c'est ça, Magali Berda. Est-ce que vraiment il y a de l'argent pour le Racing Club de Strasbourg en plus? Enfin, mais est-ce que Bagdadi, il a envie de claquer les Dodgers au baseball, Chelsea, ils sont pas des. Mais est-ce que non, mais attends, t'as pas de retour sur investissement quand tu fais double prime? Ils sont pas les couilles. Hein. Mais est-ce que ils là, sont là, pas des couilles? Non, pas du tout. C'est un mec double prime sur. Bagdadi, s'il vous plaît, il est venu là au marché de Noël. Ah, il a vu. Waouh, la cathédrale, j'achète. Les infos pleuvent, mais c'est dingo. Attends, mais ça, il est au marché de Noël, il veut faire un beau cadeau à ses enfants. Son fils lui dit, ah bon, le baseball, c'est quand même un sport de merde. C'est vrai. Elle a dit, ok, région de Petite-France, okay. Marché de Noël, vin chaud, voilà. Blanc. Tu veux aller au match, c'est des gens qui courent avec des noirs, qui courent avec des ballons, c'est sympa. Ils ont des tresses. Voilà, ils ont des tresses, c'est tous les mêmes. Si tu veux le speaker, donnera toujours le même mec qui marque si t'as envie. Choisis celui qui va marquer. Oh ben, je vais prendre Emegades. Voilà. Emegadrive. Voilà. Non, et. Tu peux la refaire en anglais parce que. Il vient se faire chier à venir à Strasbourg pour se faire plaisir et il dit, il va voir Marc Keller, il dit, tu peux leur annoncer, c'est double, triple prime. Moi ce soir, je veux du spectacle. Ouais. C'est genre, Jules César, mourez pour moi là. Genre, de toute façon, je reviens plus après. J'avoue que ça me plaît comme. Je suis pas sûr que ce soit spectacle, mais ça me plaît. J'ai envie d'y croire. C'était sa deuxième à la Méno. Oui, la première, il testait. Il était sans les enfants. C'est pour voir si Toulouse. Mais à chaque fois qu'il est là, on gagne. En Toulouse, c'était de la merde. On n'a pas gagné contre Toulouse. Bah si, on a gagné 2-0. J'étais là. Bellegarde, il met une passe. C'était les matchs dans les à tous les matchs du cycle retour. Ouais, ce mec, c'est. Sauf si Chelsea joue en même temps. Ah, c'est notre porte-bonheur. Mais il va jamais à Chelsea, visiblement. Si, il était déjà à Chelsea aussi. Ah, bah, ils ont perdu hier. C'est notre porte-bonheur, en fait, ce type. C'est notre jumeau astral. Donc, moi, j'attends de voir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a? Genre, où il n'y aura personne. Même pas Marc Keller, qu'est-ce que les joueurs vont faire? Est-ce qu'ils vont même dénier aller sur le terrain? Ah, bah, c'est bon, tu fais chier. De la vallée. 13 millions, je vais pas aller jouer contre des mecs de N2. Bah, ouais. Qu'est-ce qu'on disait? Bah, l'ambiance de Lille, on a pas répondu à la question. L'ambiance de Lille. Alors, l'ambiance de Lille, Vera Montelli. Alors, dans la tribune, j'ai trouvé que l'ambiance était relativement pas mal, meilleure que les autres matchs. Toi, tu parles de la tribune Est, hein, il me semble. C'est là où tu. C'est ça. C'est une famille. Du parkage visiteur. D'accord, donc toi, Vera Montelli. Bah, le parkage était le plus beau parkage de Lille depuis très longtemps. Oui. Mmh. Et merci, marché Noël. Hein. Qui veut du vin allemand? Regardez, il a une belle couleur. C'est du Riesling singe? C'est non, c'est du Riesling aigle. Aigle impérial. Et du coup, le tifo. Alors, le tifo. Parlons du tifo. Au centre, magnifique tifo. Il est très beau. Très beau. Voile sur toute la tribune ouest. Ouais. Donc, déjà, la réalisation. Et graphiquement, très réussi. Et très belle. Un peu cartoon comme ça. Ouais. Dadaïste. Ouais, mais en même temps, il y avait des détails, enfin, il y avait beaucoup de choses. Ouais. Et c'était un tifo. Il y avait du texte. La multipropriété, mais avec une banderole qui disait Même les enfants ne croient plus au Père Noël. Oh, voilà, ouais. Alors, c'est le moment d'interviewer Jean-Luc Belli, qui est assez jeune, par rapport au Père Noël. C'est vrai? Parce qu'il n'y a pas ça non plus. Est-ce que le Père Noël existe? Bah, je pensais que oui, et puis le tifo m'a fait tomber de haut. Ah, voilà. Alors, ça, c'est les UB, ils font pleurer les enfants. Ils font pleurer les enfants. Et donc, tes parents ont dû t'expliquer? Non. Bah, ils ont essayé, mais. Ah, bon. Mais je ne suis pas assez sérieux, je ne crois pas que c'était trop tard. Est-ce que tu crois à Blue Court quand même? Est-ce que le tifo a été applaudi en stade? Oui, le tifo a été applaudi en tribune nord, côté nord-ouest. Ils ne savent pas lire. Alors les gens qui pour les gens qui n'étaient pas au match, contrairement à nous tous, il est sorti à quel moment par rapport au but, par rapport à avant, tout au début. Donc c'est typo de début. Mais tu sais un peu comment ça se passe au stade? Non, au début du match. Je vois pas du tout. Non, mais parfois on fait des trucs. Mais tu vois pas toi. Non, mais il y a des banderoles là. Il y a des banderoles, tout à fait. Oui, il y avait une banderole pour Motiba d'ailleurs. Donc, ce tifo se Motiba fait avant tomber au champ d'honneur. On n'a pas parlé de Motiba. On a parlé de l'autre. Alors, il y a un Touré qui nous l'a découpé en morceaux. Oui. On en revient, il y aura plein de questions sur Motiba. Non, non, mais oui, le tifo, évidemment. C'est avant le coup d'envoi, excusez-moi, mais là, je bois du vin blanc allemand. Donc, est-ce que. Donc, il sort évidemment avant les buts et avant le résultat. Oui, évidemment, bien senti. Et donc, vous avez suivi un petit peu le pouls de la commu Racing. Il y a eu quelques commentaires après en disant après match, tu veux après match, oui, après disant, match ah, ça, ouais. Ça a divisé la commu. Ça a divisé la commu. Mais c'est quoi la commu? Je comprends pas, c'est quoi la commu? Vous pouvez définir le concept. C'est de la merde. Tu vas pas me lancer là-dessus. Les gens qui aiment le Racing sur les réseaux sociaux. Non, le concept de commu. Mais il y a beaucoup de réseaux sociaux, c'est sur TikTok. Bien sûr, évidemment. Ouais, c'est sur le deep. Sur LinkedIn. Évidemment, sur LinkedIn. Sur le dark. Tu m'as pas fait fan de Racing. Juste commu, dark web. Ah oui, évidemment. Ah, moi aussi. Tu peux acheter les joueurs. On va pas revenir sur le concept de. Tu peux voir boulot. J'ai trouvé du boulot grâce au Racing. Voilà. On va pas journaliste au DNA. Grâce à la commu. On va pas revenir sur le concept de commu. Je savais que je alors, est-ce qu'on a des questions sur cette division? On n'a pas de questions. C'est moi qui ai observé. Le tifo a quand même été repris au niveau national. Même la LFP l'a affiché. Et c'était dans le résumé du. Et c'était dans l'équipe aussi. C'était. Christophe Kuchli qui est journaliste à l'équipe, qui a fait une espèce de les demi-espaces, tout ça, j'adore. Oui, qui a fait une espèce de César de la première partie de saison, et il y avait une catégorie meilleur décor, enfin il a fait la même catégorie qu'au César, et il avait ce tifo meilleur décor. Bah, alors d'abord, je voudrais faire une parenthèse sur Christophe Kuchli. Bon, bah ça y est, enfin quoi. Oh. 15 ans après, ils ont enfin les crevards qui ont pourri les cahiers du foot ont réussi à obtenir ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire un petit poste bien au chaud à l'équipe. Je ferme ma parenthèse. Tu veux parler du ballon d'eau fraîche. C'est ça. Je ferme ma parenthèse. Donc il est tout bon. Ah bah visiblement oui. Hein. Allez, on y va. Et donc ce tifo très populaire, très bien reçu, mais ceci dit, dans la commu du Racing, divise. Ce tifo divise. Bah, c'est ce que moi j'ai lu. Ouais, c'est ce que j'ai lu aussi. Bah, il y a toujours des gens qui soutiennent beaucoup, qui sont ravis de. Le propos, c'est plutôt maintenant ça suffit. Ouais, bande de cons. Non, c'est plutôt ok. Au début, tout ça, on savait pas. Et c'est très vraiment corrélé, on va dire, au résultat du Racing. C'est-à-dire que quand le Racing allait pas, il disait. Ah, vous nous avez ouvert les yeux, voilà. Et là, maintenant, ça gagne depuis 3 matchs, et c'est du genre. Ouais. Enough is enough. Ouais. Maintenant, ça suffit, It's long. Maintenant, il y en a marre de ces tifos, là, tout le temps, la Belgique pour m'aider. Maintenant, on veut que les méga, ils mettent des gros chants sur la surface, sur les 6 mètres. Ils mettent des M-Calls. Et ouais, donc il y a ça. Et puis, il y a des gens qui disent, maintenant. Le tifo est très bien. Et donc c'est d'ailleurs, je vous emmerde. Mmh. Au passage. Et c'est les opinions à géométrie variable, hein, mais ça a toujours existé. Voilà. Même à l'époque d'Ilali, hein, il y en a qui défendaient Ilali jusqu'au bout. Je veux qu'on leur trouve les noms. Attends, sur du qui on en reparlera en antenne. On a les noms. Donc je pense qu'il faut quand même signaler. J'ai la tondeuse. Hein. Il faut signaler ici. Attends, je veux dire ça. Il faut signaler. Surtout pas à l'Assemblée nationale. Il faut redire ici qu'il y a quand même une séparation à faire entre la question des résultats sportifs au tenté, on est tous contents, on est réellement tous contents quand le Racing gagne. Alors, pas tous, mais, à peu près tous contents quand le Racing gagne. Ça, c'est le sportif, c'est notre quotidien. Mais il y a la grosse question qui entoure tout ça, qui est la question de la multipropriété, qui est la question du type de gestion que Blouko impose au Racing. Ça, c'est un sujet quasiment séparé. Donc oui, on peut être content de cette victoire contre Lille, parce que bon, c'est sympa, visiblement, un bon moment. Et en même temps, quand l'équipe se, quand tu joues un match, il y a deux équipes. Il y en a une qui a un maillot bleu. Exactement. On est au stade de la Méno. Et l'équipe en bleu, elle se bat et elle gagne le match. Et c'est mérité qu'elle gagne le match. On peut que être content. Moi, ça me fait plaisir. Exactement. Moi, pareil. Et je m'en fous de les joueurs, ils viennent de Pétaouchnok, ils viennent de payer par tel fonds de pension, ça, c'est autre chose. Et après, on peut avoir la tête froide et dire, ce fonds de pension, ce qu'il essaye de faire du club, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Par contre, les joueurs, pour moi, c'est indépendant. Ils ont été recrutés, ils sont là pour jouer au foot. Au début, ils jouaient pas au foot, ils avaient vraiment beaucoup de difficultés. Et malgré tout, Et ça, c'est ce qu'on pouvait, si on voulait combattre le combat de la musculation sur le terrain sportif, c'est ce qu'on pouvait craindre, c'est que les mecs trouvent le rythme. Oui, mais ils trouvent le rythme. Et je pense que sur la deuxième partie de saison, ils vont trouver le rythme et donc ils vont avoir des résultats sportifs qui seront loin d'être désastreux. Et je pense qu'on va se sauver, oui, on va se sauver relativement facilement. Mais ça ne remet pas en cause le combat plus global et général, qui est de dire le projet sportif qui est au club, il est détestable. Parce qu'en fait, le projet sportif, il n'y en a pas. Et pas il n'y a pas sportif. De vrai projet. C'est-à-dire que le Racing Club de Strasbourg n'a pas vocation, en début de saison, à faire le meilleur classement possible en Ligue 1. Ce qui devrait être le but de n'importe quelle association sportive, c'est de dire, je m'engage dans une compète, le but c'est de faire le mieux possible. Quand tu arrives à l'école, Jean-Luc Darqui, par exemple, il a dit il veut faire la meilleure année scolaire possible. Hyper motivé. Le mec, hyper motivé. Le mec, il veut la meilleure moyenne. Des fois, ça se passe pas bien. Oh, des fois, c'est un accident. C'est rare, mais ça arrive. Faut juste éviter la relégation. Voilà. Il faut éviter la relégation, il faut éviter le redoublement, quoi. Ouais. Mais en vrai, Blue Cross, si on descend, c'est pas grave. Exactement. Mais ce que je veux dire juste, j'imagine que ça les contrecarre. Mais ils savent pas ce que c'est une relégation. Oui, en plus, ils savent pas ce que c'est. Évidemment que derrière, ils sont au courant, mais je pense que ça les contrecarre dans leur mission qui est de mettre en avant des joueurs et mettre des joueurs en Ligue 1 ou en Ligue 2, à mon avis, c'est pas la même. Oui, je suis d'accord. Malgré tout, ça doit les contrecarrer. Et sauf quand t'es dans une multipropriété à 5000, style Manchester City, où t'as 33, tout le monde s'en balèque. Ça, c'est clair et net. Parce qu'ils sont 8 déjà, clubs. Déjà ils savent même avant, on s'en balèque. Là, ils s'en balèquent encore. Quand t'as une multipropriété à 2, si ton club ferme, pour l'instant, parce que c'est ce qu'on est, pour l'instant, bien toujours, si le mec descend dans la deuxième ligue nationale du pays d'origine, ça ferait mauvais genre. Ouais. Ça ferait mauvais genre. C'est bien pour ça que on pourra peut-être à la fin ouvrir, comme on a terminé les matchs, parler peut-être du mercato qui va avoir lieu dans quelques jours maintenant. Oui. Une enveloppe est annoncée dans les trucs. On parle soit entre 20 et 30 millions d'euros, c'est pas une petite enveloppe de mercato. Alors avant de parler sur le tifo. Il y a le tifo. Je trouve que juste on conclut en une ligne, le tifo est légitime. C'est tout ce que je veux dire. Le tifo est légitime parce que c'est deux choses. Légitime, mais il est beau aussi. Il est beau et légitime. L'art est légitime, vous avez 4 heures. Voilà. Et non, surtout, vous avez 5 minutes pour dire le bilan de la mi-saison. Voilà, ça fait maintenant une demi-saison que Blueco. Parce qu'on a déjà fait déjà une heure. Oui, mais c'est un épisode de Noël. Alors, moi, j'ai déjà ma conclusion. Moi, je l'ai pas. Je n'ai rien de surprenant. Ce que j'ai vu sur une demi-saison, c'est exactement ce que j'attendais de Blueco. C'est-à-dire une équipe sportivement relativement médiocre, mais qui va s'en sortir, et un projet qui est de faire jouer des jeunes pour pouvoir les mettre en valeur et les revendre plein pot. On est dans le projet, les mecs, c'est ce qu'on craignait, et on est dedans. Et un jeu qui se base surtout sur la mise en valeur d'individualité, plus que d'un jeu collectif. Exactement. Je te rejoins là-dessus. C'est juste. Donc oui, moi c'est pareil, pas de surprise. C'est ce à quoi on s'attendait au mois d'août. Dès l'épisode 1 de Radio Show. L'épisode 0. Je vous conseille de l'écouter, ça nous fera une vue de plus à nos 3000 vues pléthoriques. Une écoute. Non mais. Je viens d'avoir marqué le téléphone, on a du Madame Louis. Salut Rob. Et la tome de Mosaïque des ours. Paysan breton, c'est envoyé par Le Doiron. Vas-y. Je reviens encore sur le jeu. Il y a quand même un changement qui s'est opéré au cours de cette première partie de saison. Ça fait partie de ça. C'est justement le retour de certains joueurs un peu plus expérimentés. Gamero. Il y a Gamero. Il y a Sissoko. Et il y a aussi le changement qui s'est fait en défense centrale. Alors, on est un peu revenu là-dessus. Mais en début de saison, on a tout de suite envoyé Silla titulaire, évidemment. 20 millions d'euros. Au charbon. Non. Il y a eu ces problèmes de comportement qui ont été sanctionnés, mais pendant longtemps il y a eu la charnière Perrin-Yamsi qui s'est imposée, qui n'a pas été bougée, et finalement on a eu un mixte expérience jeunesse un peu plus important en fin de première partie de saison qu'au début. Enfin, l'impression que Patrick Vieira voulait aller un peu moins vite dans le projet de faire jouer des jeunes, quoi. Est-ce que tu penses que c'est par rapport avec son staff pléthorique, ils se mettent autour d'une table, ils discutent de ce genre de choses-là? Oui. Mais je pense qu'ils sont quand même assez libres dans leur choix sportif, parce qu'au final que là-dessus le moi je crois, tu penses que Aoulou c'est sportif? Oui. Aoulou, Persic, je pense que c'est C'est volontaire. Ouais. C'est Roulien, ça. Non, le parti, c'est Roulien qui a décidé en début de saison. Persic, d'accord. Ouais, Persic, parce que Persic, tu l'as joué au début. Non, une si, il a joué un peu, ouais. Non, non, mais je crois que Aolo a joué 0 minutes. Ouais. Alors, ouais, moi, je suis le premier mec qui défonçait Aolo l'année dernière parce que j'étais quand même nu, mauvais. Mais cette année, il a même pas eu sa chance du tout. Ouais. Ouais, mais alors que Demingue, qui rentre pas du tout dans Demingue, le projet Gluco, il a joué 43 matchs. Oui, parce que c'était obligé d'avoir 18 joueurs sur le match. Mais voilà, mais c'était terrible. Au dernier match, il y a d'ailleurs eu Samir El Mourabed, qui est un super joueur de la réserve. Sur mais il a pas joué. Oui, il était sur feuille de match. Ouais, mais il était offensif, c'est ça? Relayeur. Il peut jouer 6 parfois. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne. Super joueur, vraiment. Mais ça, c'est bien. Dans FM24, je vous le conseille. Il faut faire monter 3-4 joueurs jeunes. Tu les mets en entraînement avec les pros, avec l'équipe senior. Donc, tu dois les déplacer en équipe senior. Mais c'est ce qui est fait en vrai. Exactement. Et c'est un cheat code, c'est ça? Ouais, c'est un bon plan. Et vous allez voir. Tu parles de stats, tu parles de Jérémy Sebas? Aussi. Oui, on peut parler de Jérémy Sebas. Dommage qu'il a l'Orient. Oh là là, elle aurait mérité mieux, cela. Ouais, clairement. Et même contre Lille. Contre Lille, il se procure une occasion terrible en fin de match. Et tu vois qu'il a pas la spontanéité. Avec la réserve, il l'aimait. Ouais. Mais c'est, parce que ça va. Il y a trop, il y a pas 25 000 personnes. Alors, pourtant, lui, il va très très vite. Non, mais là, contre Lille. Non, mais il fait un contrôle de la tête. Il se met dans le truc. À la course, à la conduite de balle, il met 2 mètres au défenseur. Oui. Et au moment où il doit frapper, pas qu'il tergiverse, mais ça. Il aurait dû le prendre. En Ligue 1, le défenseur revient. Oui. Alors qu'en National 3, ça ne sert rien. Mais c'est un joueur qui a énormément progressé depuis l'an dernier. Alors, quand il est arrivé, c'est un joueur qui a des capacités athlétiques exceptionnelles. Vraiment. Enfin, les formateurs, ils disaient, ils ont jamais vu ça. Enfin, il battait tous les records en vitesse, en accélération, en résistance, en fuite, tout ce qui est physique. Et cette saison, il a vraiment progressé devant le but. Enfin, c'est un joueur qui bosse, qui est sérieux, qui bosse. Et il a... Donc lui, il est venu pré-Gluco. Oui, bien sûr, il est... ouais, ça fait un an et demi qu'il est là. C'est le travail de Monsieur Désiré. L'avantage quand même, on va dire, de Patoche, c'est qu'il n'est pas complètement... cool. Non, c'est pas ça, c'est par rapport aux joueurs de l'équipe 2 qui sont pas dans le projet, entre guillemets, et qui sont jeunes aussi, la porte n'est pas fermée. Mais parce qu'en plus, t'as la passerelle avec Mathieu Le Scornet et son groupe élite qui fait ses séances supplémentaires avec les jeunes, qui fait les matchs amicaux. Qui vont tourner en Europe, battre des autres grands clubs. Battre Chelsea, par exemple. Il y a Mehdi Keller qui joue à Football Manager aussi avec eux. Et c'est là, c'est lui qui gère les notes. Sur le match où l'équipe élite bat l'équipe de Chelsea, ce qui est groupe élite extraordinaire. Twitter X, pour ça, c'est vraiment formidable. T'as quand même des mecs de Chelsea qui arrivent à s'énerver sur ce match. Pourquoi? Ah, bah, il y a eu des flots de postes de oui, mais non, il faut comprendre notre équipe à nous, on avait des blessés. Les mecs, ils sont excités. Il y avait des joueurs seniors qui jouaient, il y avait deux joueurs qui avaient entre 25 et 30 ans. Mais t'avais le David Washington qui a joué. Mais on a acheté 15 millions. Globalement, on en a rien à secouer. Enfin, C'est de la formation après. Enfin, oui. Normalement, c'est des matchs qui sont pas diffusés. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme les parents qui vont mater les jeunes. C'est vrai qu'il gueule. Oui, il faut insulter l'entraîneur. Putain. Tu fais pas jouer mon fils. Le Football Manager, il est... Exactement, culé. Football Manager, il a les deux pieds, oh. Mais oui, non mais oui. Le Scornet qui aide à faire... Le Scornet. Le Scornet. Du coup, lui aussi, c'est le grand revirement, parce que je croyais qu'il était... Le grand reset. Il devait partir. Non, il voulait absolument le garder au club. C'est un super entraîneur. Pas un super éducateur, je veux dire. C'est con, il aurait pu... Mais pas un super entraîneur. Et pas un super pote, a priori. Super pote. Ouais, ça parle de loyauté ou... Alors maintenant, il y a la prescription, il s'est passé quoi entre deux? Il y a des coucheries entre le Scornet et Stéphane. Non, c'est des divergences d'opinion. C'est quand, notamment le match à Angers où Stéphane avait le Covid la semaine dernière. Il n'a pas accepté que le Scornet gagne. Non, en fait, Stéphane avait donné des consignes et le Scornet a modifié certains points et ça n'a pas plu à Stéphane. Et c'est ce match qu'on avait gagné au début. Et on avait gagné ce match. Ouais, enfin après les autres matchs qu'il a fait. Mais d'autres coachs, d'autres points. À Lyon, on a gagné. On gagne à Lyon, oui. Par hasard. Moi j'y étais. Déjà, mais c'était un hold-up. Et alors, Arlo qui met la frappe. Bon, je sais plus où on était. Donc on était au bilan. Est-ce qu'il y a des satisfactions? Si, on avait 5 minutes, mais ça fait 20 minutes. Moi j'ai donné mon avis. Oui, t'as dit formidable. Mais ça dit... Non, j'ai dit que c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Une progression. Non, exactement ouais. Ce à quoi je m'attendais. Quelqu'un peut me faire passer l'ail des autres pendant 10 ans. Alors moi, après il faut voir. Si... Devant toi, Parce que tu parlais d'un projet de, tu parlais d'un projet de 3 ans. Mais si t'as des joueurs qui explosent si t'as des joueurs qui explosent complètement cette année-là, enfin, mettons Kemega mette 15 buts en, hein, et ben on les vend tout de suite, évidemment. Ça, évidemment. Bien, ça, est-ce que c'est vraiment le projet? Est-ce qu'on n'a pas le projet annoncé, c'est sur cycle de 3 ans, mais le projet réel, et là je rejoins à tort, c'est que si un mec qui explose. Les mecs sont là pour les thunes. Si à un moment donné tu peux faire des thunes tout de suite plutôt que dans 2 ans, tu le fais tout de suite. Ouais. Il y a pas de. Parce que t'encaisses tout de suite. Évidemment, tu mets en banque ce que tu peux banquer tout de suite. Et qu'est-ce que tu fais c'est pour comme les joueurs le maillon faible. Qu'est-ce que tu fais pour les joueurs sur lesquels t'as parié et qui explosent pas? Qu'est-ce qui arrive dans le système? Ben, c'est comme les autres clubs. C'est comme les autres clubs. Perte et profit. Oui, mais les joueurs, l'être humain est méga. Il va quoi? C'est un fonds d'investissement américain. L'être humain, ils s'en battent les couilles. Donc tu veux dire qu'il va devenir Emega en Bundesliga autrichienne? Il retournera. Regarde. Ah oui, mais alors, prends le Chelsea d'avant, même le Chelsea d'Abramovich. Ouais. Eux, ils avaient même avant Bukou, ils avaient des effectifs pléthoriques. Ils recrutaient énormément. Ils prêtaient une quinzaine de joueurs avant que ça soit encadré les prêts. Ouais. Ils prêtaient au Vitesse Arnhem et tout ça. Mais, des exemples, t'as des Gael Kakuta et des mecs comme ça. Ils les ont pris jeunes. Ils explosent, tant mieux. Ils explosent pas, bah tant pis, ils les laissent partir. Il y a pas de Chelsea, t'avais Luca Piazzolla. Il se fait sur le global, pas sur exactement. Ouais, d'accord. Et en plus, l'avantage de l'effet groupe, c'est que finalement, tu regardes sur deux clubs, fais des recrutements dans deux clubs, t'en as un qui perd dans un des clubs, ça te compense les deux. Et donc, tu peux jouer sur deux tableaux comptables. Et donc, si Emega, par exemple, devient une sous-merde, enfin, ne sort pas de son statut. Ouais. Tu peux vendre moins de gars, tu le vends le triple de ce que tu l'as acheté, bah, tu compenses Emega et t'as un bénéfice. Qui est transféré à Gaspol Sam et Emega Spol Sam. Et du coup, le bénéfice, il repart directement dans un holding ou pas? Ça, c'est la question que je pose. Pour l'instant, il y a 15 millions d'euros sur Angelo Gabriel et il fait ses premiers 6 mois en Europe. Pas dire que c'est une réussite incroyable, il y a 2 passes décisives. Voilà. De toute beauté. Statistiquement, c'est 2 passes décisives. Mais pour l'instant, c'est relativement faible. Pour l'instant, à Chelsea, qui est pourtant pas très bon, je pense pas qu'il ait sa place à Chelsea. Mmh. Et si peut-être ils vont dire, bah, c'est un essai raté, ils vont le revendre dans un obscur championnat pour 7 millions d'euros et ils auront fait une perte de 8 millions. Et puis on. Mais ça se trouve, il sera revendu au Racing. Pas chez nous. Hein. Bah, si t'as besoin d'équilibrer les comptes entre les deux. Ouais, merci. Oui. John Textor, ça va. Bah, c'est John Textor, mais tout à fait. Mais oui, ça va repartir. Ouais. Bah, pas Molenbeek, si, c'est ça. Bah, si, Molenbeek. Et au moment où on parle de comptes et plus de sportifs, c'est là que la multipropriété est un danger pour le football. Bah oui, on parle que de ça, en fait. Il y a quand même un aspect sportif qui rentre dedans ou pas? Mais non, il n'y a pas besoin. Mais j'ai bien compris que on marche sur les joueurs, mais on peut aussi gagner de l'argent sur les compétitions. Moi, j'ai un problème, c'est avec le discours kellerien qui est de dire, notre modèle de multipropriété n'est pas le même que les autres, on s'inspire du Red Bull Life. Et de Salzbourg. Et nous, on n'a pas de cadeau. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Sauf que ce que les gens oublient de comprendre, c'est que nous, on est Salzbourg et Chelsea et Leipzig. Et tu regardes Salzbourg aujourd'hui. C'est ça qu'on les a oublié. Parce que, évidemment, Leipzig, ils ont des résultats sportifs qui sont très bons. Ouais. C'est factuel. Mais parce qu'ils sont aussi, en tête de pile. Oui. C'est les premiers. Et nous, dans le modèle, si on était dans Red Bull, on serait Salzbourg. Et Salzbourg, tu regardes cette année, enfin, ça fait 3 ans, ils ont 21 ans de moyenne d'âge. Ils font jouer des joueurs de 17-18 ans. Et en plus, Salzbourg, t'as en plus Liefering, qui est leur satellite à eux. Parce qu'en Autriche, t'as des systèmes... Oui, c'est le foot d'aujourd'hui, il faut suivre. T'as le soleil, après t'as la terre et t'as la lune. Ouais, c'est ça. Liefering, c'est la lune. Et après, il y a le système solaire, après il y a la voie lactée, après il y a l'univers. Juste pour finir d'expliquer. Et après, on sait pas. Attention, on explique. Là, c'est compliqué. Non, mais oui. Suivez un petit peu les auditeurs de Radio Shtoub. Non, mais c'est important que les gens se rendent compte de tout ça parce que finalement, on reste que sur les résultats sportifs, mais il faut creuser, il faut s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Le Salzbourg, ils ont une équipe réserve qui joue en deuxième division. Le Liefering, en fait, ils ont racheté les droits d'un club, voilà, un petit club, et c'est leur réserve parce qu'en fait, ils peuvent avoir des contrats un peu comme en NBA, des two-way contracts. Ils ont cette merde chez eux. Ils ont cette merde en Autriche. Du coup, le Liefering, si t'es suffisamment bon, exactement. Tu peux jouer dans les équipes. Dans la semaine. Et donc, Liefering peut faire jouer des joueurs de 16, 17 ans. Ils jouent tout de suite contre des seniors, des deux autrichiennes, hein, un niveau qui vaut ce qu'il vaut. Et s'ils sont bons, bah, ils peuvent faire un match avec Salzbourg, repartir avec ce club-là. Et même, ils peuvent jouer que à Liefering et être revendus avec une plus-value ailleurs sans être passés par Salzbourg. Ouais. Et Chelsea, ça va être un peu ça aussi. C'est la JOCR 3, quoi. Parce que Chelsea, ils peuvent acheter un joueur bah, type Angelo Gabriel. Il peut ne jamais jouer à Chelsea, mais il peut faire une plus-value dessus s'il marche bien à Strasbourg. Et il y a un autre exemple qui se voit aujourd'hui. C'est Savinho, le joueur brésilien, qui a été acheté par 3 il y a 2 ans. Ils l'ont acheté 6 millions d'euros au Brésil, un joueur brésilien. Il n'a jamais joué. Il a été acheté par 3, immédiatement prêté au PSV Eindhoven, où il n'a pas trop joué. PSV Eindhoven qui a des liens aussi avec Manchester City. Et cette année, il a été prêté à Gironne, voilà, autre club de Galaxy City. Il marche très bien, Gironne, ils sont premiers en Espagne. C'est clair, ça marche. Et là, maintenant, on parle de Savio qui va être transféré à Manchester City. Évidemment. Donc, un joueur qui est prêté par 3 à Gironne qui va être racheté par Manchester City. Ben voilà, City, au lieu Je le sors de la poche droite et je le mets dans la poche gauche. Exactement. Donc, les négociations vont être un peu compliquées, mais ça va se faire. Mais du coup, City, ils ont minimisé le risque. Ils ont fait acheter par 3. Quand tu parles, je me mets à la place de l'investisseur. Évidemment que le mec est minime. Mais moi, je me mets à la place du fan du Racing, qui est une victime collatérale de ce système. Oui. Pour les mecs qui le mettent en place, ce système, ça a vraiment du sens économiquement. Et s'en cache mais pas. Ils s'en cachent pas. Mais les mecs, c'est les mêmes mecs. C'est le Bernard Tapie qui est 80 qui prend des boîtes et qui les retape et tout. Ouais. Mais c'est un vrai sens économique. Ouais. Mais ça n'a pas du tout de sens sportif. Non. C'est ça que les gens oublient. Et nous, le foot, ça reste quand même 22 mecs qui tapent dans la balle, quoi. Et ça reste. Mais pas que ça. Non, je suis pas d'accord. Mais ça reste fondamentalement ça. Ouais, mais là, t'écartes tout l'objet culturel, social. Ouais, ok. Ouais. Mais du coup, par rapport à ça, en tout cas, le volet économique, les nouveaux propriétaires du Racing Club de Strasbourg sont des financiers, sont des investisseurs, des banquiers, vous l'appelez comme vous voulez. Ouais. Ils sont là pour faire de l'argent et. Les considérations sportives sont reléguées à minima au deuxième, voire au troisième. Il faut se maintenir. Et humaine, et sociale. Et c'est là. Oui, bon, après, a priori, je dirais sur les salariés autres que le sportif, on nous dit que ça n'a pas d'impact. A priori, de ce qu'on sait, ça n'a pas d'impact et c'est relativement. Mais aujourd'hui. Mais si un jour, il faut taper dans la fourmilière pour. Ils le feront sans état d'âme. Mais s'il faut fermer le Racing demain, c'est pas un problème. Si à un moment donné, leur fonds de pension nécessite. Fonds d'investissement. Ils nécessitent d'avoir, de récupérer les actifs et de vendre un truc et ils doivent sacrifier le Racing. Ouais. Ils le feront. Bah oui. Ils le feront parce que ça reste une mine dans un bilan. Exactement. Alors, et ce que je voudrais dire ici, c'est que tout ça, en fait, on vous l'a dit au mois d'août. Parce que ça, c'est une des qualités des connards, ça, quand même. C'est qu'ils disent ouvertement les choses, puisqu'ils sont arrogants, ils ont aucune finesse. Et pourtant, on est payé par Blueco. Ouais, c'est vrai qu'on est payé par Blueco. Merci pour le micro. Le crément était super. Exactement. Bravo à vous. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on dit là, c'est bien qu'on le redise, hein, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne rentre pas. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, en fait. Ces gens-là, c'est des ricains avec des grosses chaussures. Ils arrivent, ils débarquent dans un endroit, ils ne connaissent rien, ils débarquent au Ritz, ils boivent du champagne dans des bocs de bière. Ah, même pas, je pense que les. Je pense qu'il est sympa, monsieur. Mais oui. Mais ils sont sympas, les mecs. Il va voir chez nous. Non, mais ils sont sympas, les mecs. Ils prennent une bretzel gratinée avec juste... des larmes. Ah non, pas de larmes. Mais non, Mais on peut très bien avoir aucune culture, avoir aucune finesse, avoir aucune sophistication et être hyper sympa. Il n'y a aucun problème. Ils connaissent pas le foot, c'est pas grave. Mais ce que je veux juste dire, c'est que tout ça, on vous l'a dit à Radio Stoub au mois d'août. On s'est pris une volée de bois vert de dingo, mais aussi beaucoup d'auditeurs. Hein. Bravo à vous. Le buzz, écoutez. Ouais, cliquez. Mais en fait, il y a rien qui est nouveau. Rien, absolument rien. Tout ça a été annoncé, tout ça a été dit et ça se réalise. Merci, bonsoir. Voilà. Autrement, d'un point de vue sportif, personnellement, j'ai vu très peu de matchs, mais ceux que j'ai vus, je me suis fait hyper chier. Mais j'en ai vu très peu. T'as pas vu les derniers? Non, j'ai pas vu les derniers. Voilà. Alors bon, comme on a un petit peu du temps en plus, on va dire, est-ce qu'on a quelques questions? On a énormément de questions. Et après, on parlera du plus grand match de l'année 2024. D'accord. Le match de Coupe. Ah, je pensais qu'on parlait du Mercato. Bah non, parce que là, sinon, on en pourrait. Si on peut parler du Mercato, Parlez du Mercato. Alors, connaît aucun mec. Alors, est-ce qu'on a des infos Mercato? On sait qu'on a 20 à 30 millions d'euros de budget. Voilà, ça, c'était annoncé par l'équipe. Ce qu'il faut, c'est beaucoup. Hein. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et ça a été un peu, il y avait un article dans l'équipe qui parlait de l'organisation sportive, maintenant de la gestion sportive du Racing. C'est que finalement, et ça, on l'a, je sais pas d'ailleurs qui l'a dit, on l'a dit dès le mois d'août, hein, au conseil d'administration du Racing, de notre club, il y a les deux directeurs sportifs de Chelsea, donc messieurs Stewart et Win Stanley, voilà, qui sont à la fois, ils gèrent le sportif de Chelsea, avec la qu'on connaît, et qui sont décideurs du Racing. Donc ça a foutre, hein, avec leur club boss ou Marc Keller. Non, ils sont au conseil d'administration. Alors, Marc Keller est président du conseil d'administration un peu sous tutelle, mais dans les décideurs du Racing Club de Strasbourg, il y a deux dirigeants de Chelsea. Il est sous curatelle, c'est plus. Voilà. Et du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est eux, finalement, qui prennent les décisions sportives, qu'elles sont orientées avec l'idée de comment le recrutement qui est fait à Strasbourg peut servir les intérêts de Chelsea. Là, on parle par exemple de prêts de certains joueurs de Chelsea. Il y avait André Santos, par exemple, un jeune Brésilien. On parlait là récemment, mais c'est un peu tombé à l'eau, le jeune Argentin Echeverri, qui va finalement partir à City, tiens donc, qui aurait pu partir à Chelsea et aller à Strasbourg. On parle aussi d'un autre Argentin, Valentin Barco, qui joue à Boca Junior, qui pourrait venir à Strasbourg pour être un peu marchepied avant Chelsea ou aller à Chelsea et prêter à Strasbourg. Donc finalement, là-dessus, on est un outil. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ça a été plus ou moins dit, mais un peu entre les lignes, c'est que finalement, Loïc Désiré, il a plus la main. Pas depuis un moment. Et c'est... Mais ces joueurs, ils les supervisent pas depuis 25 ans. Non, mais ça, c'est de la merde. Enfin, c'est faux. On se serait foutu de notre gueule. Oui. Non, mais clairement, et Loïc Désiré a posé sa démission et a été refusé par Marc Keller. Voilà. C'est autant le dire tout de suite parce que c'est ça, Gérald Darmanin. Non mais ça se Gérald Darmanin du Racing. Non mais ça se sait. La loi immigration, le mec il voulait faire une loi pour immigrer des joueurs. Non mais ça se sait, donc autant que tout le monde le sache, hein, ouais. Loïc Désiré veut se barrer. Loïc Désiré n'a plus la main et veut se barrer. Dans l'article de l'équipe, c'était marqué, hein, que par rapport à Silla par exemple, ça a été imposé à la cellule. Ouais. Ce qu'on avait plus ou moins dit, effectivement toutes les craintes. Alors, nous, on avait exprimé une vision de l'esprit, hein, parce qu'on n'a pas la science infuse, enfin, un peu quand même. On avait dit, bah voilà, si on a un club satellite, il va se passer ça, et tout s'est déroulé comme celui en plan. Oui. Eh ben, on n'est pas des magiciens, ils l'ont annoncé, ils l'ont dit, donc. Oui, ça a été dit. Bully, il l'a dit en mars. Donc comment il concevait la multipropriété. Voilà, il y a des gens qui nous expliquent que non, il l'a dit en mars, ce serait pas pareil en août, non. Bref. Au niveau du mercato, donc à part des jeunes recrues, il n'y aura rien d'autre. Mais Marc Keller lui-même l'a avoué de réunion avec les associations de supporters. Oula. La politique, c'est pas de recrues au-dessus de 23 ans. Voilà. On en parle. Et ça, elle le dit clairement. Mais c'est imposé. Et ça passe l'inspection du travail. Là, C'est que des gens de. Ouais. Bah, c'est vrai. Donc on n'aura pas notre meneur de jeu expérimenté. Bah Marc Keller, en public, il tempère en disant c'est pas impossible qu'on fasse un prêt, mais si c'est pas validé par Winston et Stewart. Lauren Stewart et Paul. Qui n'est pas une dame. Stanley, Lauren, au début, Oliver. Ouais. Donc, pas de mercato à la con. Et alors, attends, qui dit mercato dit départ aussi. Départ, là, du coup, l'équipe s'est pris une passion pour la multipropriété et le Racing, j'ai l'impression. Bah, ils sont obligés, vu le nombre de clubs qui sont sur la multipropriété. Mais je sais pas, c'est autant d'articles sur les autres clubs que sur le Racing, mais c'est vrai qu'il y a un travail de fond un petit peu sur Blouko et Marc Keller, hein, je sais pas pourquoi. Et il y a des départs. On nous dit, Matsès pourrait partir l'année prochaine, Sissoko pourrait partir, Aoulou et Persic. Il s'accroche encore à la porte, ouais. Mais bientôt droit du travail. Alors là, mais t'as déjà tous les fins l'été, tous les fins de contrat. Effectivement, Sissoko est en fin de contrat, donc à voir si on peut le monnayer en janvier. Il y a Motiba qui est en fin de contrat, Gagnero en fin de contrat. Le cas a été réglé. Ah, parce que la question est posée. Vas-y. Question Motiba. La question est posée, c'est que justement, est-ce que un contrat sera proposé à Motiba? Non. Non, bah voilà, la réponse est là. Je cherche qui a posé la question. Ross 3 peut-être. Nicolas. Ah non, c'est ST Sébastien. C'est Lebo Motiba qui demande. ST Seb 67 sur Twitter qui demande reverra-t-on Motiba sous le maillot du Racing un jour. C'est très en tribune ouest, ouais. Peut-être. Ça serait beau. Alors, mais belle banderole du club. Belle célébration de l'Eméga sur son pas but. Ça c'est quand même, ça reste sympa. Après, Motiba, c'est une étoile filante. C'est de toute façon, je pense que alors, j'ai un peu pour sa fin pour de carrière. Pour la fin de carrière, ouais, c'est deux blessures comme ça là. Même trois, c'est un peu comme Kim Pembe quoi. C'est mais le tendon rotulien, c'est ça. Ouais. Il est tellement sympa que moi, ce que je suggère, c'est que quand Storky aura pris sa retraite, on prenne un Motiba mascotte. Un Motiba qui est éternel. Oui, mais parce que Motiba, on a quand même envie de lui faire des La vraie question, c'est est-ce que Motiba sera deuxième meilleur buteur du club à la fin de la saison. Comme c'est le cas actuellement. C'est Bellegarde aussi qui. Ah non, il est passé devant. Ouais. Et est-ce qu'il mérite, quoi qu'il arrive, une sortie digne de son nom. Et peut-être l'a-t-on eu lors du match de Lille déjà. Voilà, c'était 767, ouais. C'est un peu de tristesse, de romantisme. Ouais. Comme on appelle la nostalgie à l'avance, puisqu'il est encore là quand même. Je sais pas, de la pré-Zenzouche. Il y a un nom allemand. Il y a un nom allemand pour ça. Ouais, c'est probablement. Donc, voilà. D'autres questions peut-être pendant qu'on Oui, énormément de questions. Hein. Par exemple, ça peut être un enchaînement vers la suite. Il n'y a pas de suite, mais vas-y. ST767 qui nous demande, dans l'optique où on arriverait à se stabiliser dans le ventre mou, doit-on jouer la Coupe de France à fond en alignant les titulaires ou faut-il mobiliser tout le groupe et faire jouer des remplaçants? Déjà, c'est qu'est-ce qu'on en pense, c'est que va faire Patoche. Saïdoussou sera la CAN. Ouais, exactement, il pourra pas jouer Saïdoussou avec la Guinée. Et c'est quand la CAN? Ah, d'ailleurs, Saïdoussou contre Lorient quand il est rentré, je trouve. Ah, il a fait un bon match, putain. Ouais. Et c'est quand pour un mec qui joue jamais. Les rassemblements, c'est à partir de fin décembre. Donc après, c'est je crois aujourd'hui quoi. Je crois que c'est du 12-13 janvier jusqu'à début février pour les finalistes. Oh yeah. Oh yeah. Après, la Guinée n'ira pas forcément très très loin. Si Soko est pas. C'est quelle Guinée? C'est la Guinée Conakry. Conakry. Ah, Guinée. La vraie Guinée, quoi. Enfin, pas. Ouh. Non, pardon. C'est un problème, la Guinée-Bissau. J'ai beaucoup respect aux auditeurs de la Guinée équatoriale. Excusez-nous pour cette. Ouais, mais la Guinée-Équatoriale, c'est à l'autre bout. Guinée-Bissau, j'ai un bon souvenir de Victor Correa. Ah oui. Et de Basile de Carvalho, qui était. Ouais, alors moi, je me souviens de son pénalty contre Brest. Merci. Ouais. Il n'y a aucune chance qu'il nous revient très vite en fait. C'est possible. Pour jamais jouer. Mais après, il y a encore Sissoko qui peut être sélectionné avec le Mali. Non, et Abakar Sylla qui peut être sélectionné avec la Côte d'Ivoire. Avec plaisir. Et Motiba qui aurait pu être sélectionné avec l'Afrique du Sud. Mais là, il y a finalement peu d'impact. Ouais. Mais que 3 joueurs maximum. Ouais. Donc, est-ce qu'on va jouer la Coupe de France à fond? Moi, je pense que. Est-ce qu'on va jouer la CAN à fond? On va jouer la Coupe de France à fond. Contre Château Chinois. Mmh. Bah franchement, j'y crois. Faut leur dire que dans le PNL, il faut mettre un peu de trucs pour les supporters. Hein. Comment ça se passe dans Football Manager 2024? Tu joues la CAN à fond? La Coupe à fond. Non, on s'est fait éliminer très très vite, genre par les Portugais de Luxembourg, je sais pas ce que c'était. Célestin. On avait mis les remplaçants. Voilà, non, pourquoi? Et j'ai vu que la Thionville, c'est les Lusitanos. Oui. Thionville, c'est une blague, ce truc. Ça fait 2 ans seulement. 2-3 ans. Il n'y a pas les Portugais de Guebwiller aussi? Si. Non, les Italiens de Guebwiller. Les Italiens de Guebwiller. Ouais. Mais qui n'existent plus, maintenant c'est Agir Florival. On avait joué en Coupe de France, ouais, on a gagné 8-1. J'y étais. Le club de Bernard Gianini. Après, au niveau de question d'unité, il faut qu'on torche la Coupe du Monde de France ou pas? Bon, Il faut gagner la Coupe de France. C'est Noël. Non, sinon Blouko va se. Il faut gagner la Coupe de France? Ouais, mais après Blouko sera content. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, mais nous, on a dit qu'on s'en fout. Hein. Donc, on fait rafale de questions militaires. Allez, on rafale. Là. Alors, Calcio 90. Un super avion, le rafale d'ailleurs. Tout à fait. Calcio 90. Merci Marcel Dassault. Calcio 90, fils de l'institut de CP de ton frère. Hein. Le recrutement, c'est complètement. Alors, Roi des Choux, il faut savoir, c'est complètement consanguin. C'est communautaire, c'est complètement communautaire, c'est un scandale. Bienvenue dans le Nord. Ouais. Le recrutement de Bouanga est-il impossible afin que Phil Serre ne confonde pas Denis Bouanga et Junior Mwanga? Ouf. Mais on l'avait déjà, Bouanga, on ne peut pas le reprendre. Ok. D'ailleurs, non, il est trop vieux. D'après l'équipe, il était sur les tablettes. De Marseille. Ah oui, non, oui, ça c'est un truc. Mais ça a été trop vieux. Ouais, trop vieux, le mec. Il y a un mec de Blouko qui est là, fait. Regarde les âges. Trop vieux. Ouais. En plus, est-ce que la date est fiable? Il y avait d'autres joueurs cités aussi. Il y avait Okumu, le défenseur central kényan qui est signé à Reims finalement. C'est bien dommage parce qu'on n'a jamais eu de kényan, il me semble. Non. Il y a quelques joueurs comme ça qui étaient annoncés cet été, le Racing voulait les faire, et ils ont été refusés par Blouko. Bon gars. Ouais. Ross 3. Sur Twitter. Notre meilleur auditeur. Absolument. Y a-t-il des consignes comme quoi Patoche. Alors par contre, Ross 3, c'est Patoche. Patoche. Doit suivre le plan de jeu de Mauricio Pochettino. Non. Non, vraiment, je pense qu'il fait... Rien à foutre. Non, tant qu'on gagne pas trop. C'est... Ok, alors ensuite, on a Alex Co à nouveau, qui sera là dans un an, entre Patoche, Marco et Filzer. Filzer sera là. Moi, je pense les trois. Ah, Keller Donc Keller, la fameuse clause secrète. Il y a cette clause... Moi, j'ai dit 2 ans, Marc Keller. 2 ans minimum. Ok. Ah, mais ça dépend du salaire. Après, il peut ouvrir sa fondation. Non, il y a les élections, FFF en 2024. C'est mort. Ah, c'est 2024. C'est mort. Il n'a pas sucé assez de bites pour être élu à la FFF. Voilà. Je sais pas. Du coup, ça va être game. Il a peut-être sucé assez, mais ça ne suffira pas. Dommage. Non, franchement, je sais pas. Ouais, il peut faire sous-traiter. Donc, toujours Alex Co. Non, c'est ICS. Alerte ICS. Toujours Alex Co, de Radio Stoum, d'ailleurs. 2023, pire année de l'histoire du club ? Oui. Non. Mais si, 2011. Oui, 2011, mais finalement... On a déposé le bilan quand même. Attends que Ted, il vienne en hélicoptère au stade. Non, on en repart. Là, c'est que le début. Ouais, non, mais pas... Alors, tu connais pas Super Ted ? En Black Hawk, il arrive. Alors, d'un point de vue sportif, ok, 2011, c'était pire parce qu'on a déposé le bilan, etc. Oui. D'un point de vue éthique et moral, on est maintenant... Ah oui, bah là, c'est pire. On est maintenant, il y a la petite pute de Blouko. Bah, le 22 juin 2023, pire journée. Voilà. On est que au début. Ouais, voilà. Donc. Parce que c'était mieux Roman Loban. Non mais attends. Et il est mieux. Et là au moins on sait qui c'est. Hein, c'est 2009. Hein. 2009 ouais. Roman Loban. Et là c'est sur et le temps. C'est vrai qu'on est pas mal. McCormack, Croisi. Ouais. Voilà, c'est Cathy. Ah oui, mais Monsieur Foot de Foot. Oh putain, oui. Monsieur Foot de Foot qu'on a eu, hein, vous vous souvenez, en duplex. Les émissions online. Alors, il y a une question sur les tifos, mais je vais d'abord vous poser une autre question de lui. Est-ce que 3 joueurs de 20 ans peuvent apporter autant d'expérience que 2 de 30 ? Mais c'est lui qui est allé au chalet, donc il doit savoir. Avec Pascal Dumas ? Il doit savoir. Ah, tu te souviens de ça quand même ? Et bien sûr. Ah. C'était chez Bouc, hein. C'était l'émission chez Bouc. De toute façon, on n'aura plus de joueurs de 30. Hein, donc voilà, c'est réglé. C'est réglé. Plus de joueurs de deuxième 30. Question de Monsieur Foot de Foot. Que penser des tifos, virgule... Ah, il a mis l'espace avant la virgule, t'as vu ? Ah, monsieur Foot de Foot, l'erreur ! Affiche, chant contre Blouko, est-ce inutile ? Et si c'est utile, en quoi et que peuvent-ils faire de plus de mieux ? Il y a au moins 4 questions, là, cachées dans... Donc, en gros, est-ce que c'est utile de faire des tifos et des affiches ? Oui, il faut faire plus, il faut aller plus loin. Oui. Et où est-ce qu'il faut aller plus loin ? D'abord, est-ce que la c'est la mort ! Pardon. Est-ce que c'est utile ? Bon, évidemment. Ah, oui. Non, je dirais même mieux, même si c'était inutile... Il faudrait le faire quand même. Il faudrait le faire quand même. Oui. Surtout que, si c'est parce que les combats inutiles sont les plus beaux. Ouais. Jaffar. Exactement. On peut saluer aussi la qualité des affiches qui sont partout dans Strasbourg là depuis. Il y en a deux fois. Bah, il y en a partout. Bah ça c'est magnifique. Affiches partout. Est-ce qu'il y en a les chauds pas C'était. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a les chauds Ah. En tout cas, c'était comme le texte de Martin Luther, placardé sur la cathédrale. On pourrait le mettre sur la boucherie rue de l'âtre de Tassili. Ça pourrait être intéressant. Il n'y en a pas à Bâle, mais si on m'en fournit, j'en colle. Ensuite, on a la truite. Alors, il est où la truite ? La truite. Peut-on clarifier une bonne fois pour toutes comment le Racing fait-il pour obtenir 17 dérogations par an pour avoir de l'alcool dans le stade ? Bah, c'est le preneur aussi de la réponse. Et ben, il y a. Mais on prend les assos, non ? Oui, j'ai regardé encore le. J'ai regardé la loi juste avant de venir. Ah, parce que j'ai vu la question. Effectivement, les associations ont droit à 10 dates dans l'année avec une dérogation. Voilà. Donc en fait il y a deux gars. On prend 7 et les amis de Marc Keller 10. Non, c'est l'association support du Racing. La fameuse. Tu en prends 10. Anciennement Spielmann, maintenant c'est Specht. Hein. Ah, c'est Specht. Ouais, c'est Specht. Parce que Spielmann était peut-être un peu trop. Ouais, c'est incroyable. C'est bon. J'en peux plus. Donc il y a déjà ces 10 là et après reste à savoir les 7 les 7 autres. Femmes de foot. Est-ce que c'est via une autre association, peut-être femmes de foot Mais c'est peut-être la sauce de Storky là. Ouais. Peut-être une association avec les deux mecs là. Ou alors le Racing paye une amende. Ou le Racing paye peut-être une amende c'est pour les 7. C'est genre 100 balles pour vendre 50 000 euros de bière. en tout cas la loi c'est ça. On est d'accord. Okay. Après la loi c'est moi, dirait Marquel. Il faut savoir que depuis cette année début de l'année je crois, il y a un mec qui s'occupe spécifiquement de tout ce qui est restauration et boissons. Et c'est pas un mec de cette table, c'est ça le problème. Il s'appelle Thomas Rodriguez. Ouais, Rodriguez. Et on pourra en parler en antenne. Est-ce qu'on peut parler de son père, Bruno Rodriguez. Il s'est fait amputer. Monsieur Coup de Boule. Ah oui, il s'est fait amputer. Monsieur Coup de Couteau aussi. C'est horrible ça. Menacer Jackie Duguay-Perrault avec un couteau. Alors, question enchaînée. Question enchaînée de la truite. Ouais. Pouvons-nous espérer, à terme, un cocktail Blouko sur une base Curaçao Picon? J'espère. Moi, je pense que. Moi, je vote pour. Hein. Moi, je suis contre. Bruno Jean Rodriguez, là, ouais. Qui nous écoute. Moi, j'espère. Moi, je suis contre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faut-il regarder le classement vers le haut ou vers le bas? Tu as déjà répondu, je crois, Book. Bah, de face. Vers le milieu. Tu vois pas. Non, mais si. Vers, vers, vers le haut, c'est plat. Vers le bas, c'est plat. Tout à fait. Donc, non, de face. De merde, vers le milieu. Là, on répond au platiste. Faut-il parler de facteur chance sur les trois derniers matchs? Évidemment. Moi, je dirais non. Pas. Moi, je dirais pas. Non, non. Le premier match, ouais. Le premier match, oui, mais les trois derniers, non. Non, non. Là, c'était le deuxième. C'était l'anté. L'antépénultième. Sur l'avant-avant-dernier, oui, les deux autres, non. Lorient-Lille, non. Lorient-Lille, oui, c'est mérité. S'il n'y a pas le lancement de la chance au début. Ouais. Un plan contre la multipropriété. Du style, deux points. Il n'a pas mis les deux points. Ah. On va voir l'équipe 2 et on snob la première. Mais oui, venez voir l'équipe 2. Venez Ross Croix. C'est Joe Pardy qu'on voit. Non, mais quand il rejoint. Un Joe Pardy des questions. Ce serait génial. Qui mais maintenant, on en a plus. Je crois que j'ai D'ailleurs, ils reviennent quand à Strasbourg, là? Joe Pardy. Le permis de construire du centre de formation a été déposé. Ah non, donc bientôt. Donc, normalement, début des travaux l'an prochain. Donc, dans 2 ans pour aller voir la. Ah, j'ai encore une. Je ne sais pas qui c'est. Goodbye 08.43. Suite aux 3 victoires d'affilée, doit-on s'attendre à une continuité des bons résultats ou c'était injuste? Oh putain, le mec, c'est pas écrit. Mais ouais, ou c'était juste un coup de chance. La ponctuation, ouais, c'est insupportable. Ou c'était juste un coup de chance. Bah justement. Les prochains matchs. Non, mais quand même les prochains matchs après Avoine-Chinon. Il y a Marseille, le déplacement là-bas. Facile. Nickel. Et après il y a Clermont. Enfin, il y a les Coupes de France entre-temps, si on se qualifie. Il y a Clermont là-bas. Clermont peut gagner facilement là-bas. Mais il fait froid. Oui, il fait froid, c'est le 28 en janvier. Non. Ça s'est pas bien passé l'année dernière. Ah putain, mais t'es même pas là, c'est mon anniversaire. C'était pas un nul où il nous a. Et après Clermont, on reçoit le PSG. Paris Saint-Germain. Et on gagne aussi. Et on balance. Eh bien, Radio Stoub reviendra avant le match du PSG. Il n'y a pas d'autres questions? Non, on attend. Mais un manque de questions alors. J'ai marqué l'air dans l'oreillette qui me dit qu'il faut couper. D'accord. Vous souhaite un joyeux Noël puisque l'émission sera publiée en 2034. Attends, il y a des questions. Il n'y a même pas de Keller d'émission. Ah oui, Keller trahison. Keller trahison. On finit sur ça. On peut finir comme ça. Ouais. S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.